89.1 FM. Le plan d'aujourd'hui, à assemblage requis. Sébastien Viertin dénagera les montagnes d'informations dans son bulletin Guertin. Et Xavier McLeish et Alpha Alpha les lutins feront tempête en studio avec leur chronique ludique. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis. Alors, c'est mercredi 8 février 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin est déjà dans le bureau et s'en vient, j'imagine, en courant pour commencer l'émission avec nous. On va voir. On est à 78 jours de la fin de l'année scolaire. On est en direct des studios de TFA à Trois-Rivières. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Xavier McLeish qui s'en vient à 8h30 pour sa chronique dans les coulisses de la lutte. On va parler de ce qui s'est passé au match de lundi et donner un petit avant-goût du prochain match qui s'en vient lundi. C'est les matchs aller-retour entre la lutte et la lime. À 9h, son collègue Alpha Alpha Lutin sera là pour parler de jeux de société et d'alcool, comme il à chaque semaine. On a aussi Tania Escola-Entertainia. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard, Tania? Mon Dieu! Allô! Prends le temps d'arriver, voyons donc. On va discuter, en fait, moyen de contraception ce matin. Colin! C'est drôle parce que quand je m'en venais, en plus, j'écoutais... Tu reviens justement du sexe, c'est ça? Non, pas du tout. Ah. Mais j'écoutais ta chronique, ben pas ta chronique, mais... La chronique. Oui, exactement, celle de la Sonia. J'ai vu que t'as parlé de migraines, félicitations. Merci, ça m'a fait plaisir. Je l'ai beaucoup ri. Et dans quelques instants, Sébastien Viertin va être là. Il est supposé arriver dans les prochaines minutes pour faire sa chronique Bulletin Viertin, lui qui doit copier-coller son message de « Je m'en viens en retard aujourd'hui » de semaine en semaine. Mais c'est surtout que les mercredis, depuis quelques semaines, il fait tout le temps tempête, donc ça tombe tout le temps sur l'heure à laquelle Seb est censé être ici. C'est pas sa faute, le gars est un as de la route. Il est là pour faire des cascades. Et parlant de cascades, ce matin, j'ai croisé trois écureuils, OK, qui montaient dans le poteau. Ça leur sentait pas d'aller se cacher. Ouais, c'est ça. Mais tu les voyais marcher sur les fils, puis là, il y en a un qui arrêtait, puis il attendait que l'autre arrive, puis après ça, il continuait, puis il attendait que l'autre arrive, il se rattrapait tout le temps, c'est super cute. Puis à un moment donné, il y en a un qui a plongé sur l'arbre. Là, le deuxième, il a plongé sur l'arbre aussi, sauf qu'il s'est accroché sur la branche, puis il a fait une culbute. Oh mon Dieu. Ça a virevolté. J'étais excité. Ben, mon Dieu, t'avais du temps à perdre pour observer les écureuils. Je savais que le bus serait en retard ce matin. C'était clair. Il y avait un banc de neige, là, tu sais, incroyable. Je t'aurais appelé venir déneiger mon char. Ouais. On avait jusqu'aux genoux, j'en savais pas d'aller. Oui, je suis toute rampe jusqu'aux genoux présentement et je tiens à dire que j'avais des bottes quand même assez hautes. Et pas moi. Mais j'ai calé dans la neige ce matin. C'est pas mieux à pied ou en auto, tu sais. Les deux ont des désavantages. Non, je pense qu'on devrait revendiquer le fait que lorsqu'il y a des lendemains de température comme ceux-là, pas de radio. Exact. Pas de travail pour personne jusqu'à midi. Minimum. On se travaillerait pas souvent au Québec, hein? Vive le Québec, libre! Donc, c'est le plan pour l'émission d'aujourd'hui. On a le temps pour une petite chanson avant que Sébastien arrive, probablement. Donc, on écoute La conversion des sauvages. Oh, d'accord. C'est une nouvelle entrée. Ça m'a inspiré, ça, les petits écureuils de tantôt. Là, écureuils sauvages. Ben oui, c'est vrai. Donc, voici leur extrait. Jappe le chien. À Assemblage Requis. Wow. Je te jure, il y a une ambiance là-dedans. Là. Ça doit japper. C'est ça, oui. Pour le sexe, là, c'est parfait. C'est un sondage wiki jusqu'à 9h30. Barry White aussi, tu sais. Ouais, c'est pareil comme Barry White. Je t'en jette mon peine sur le soleil se bat. conversion des sauvages. Et la pièce échappe le chien à l'assemblage requis. Il reste encore un petit peu de temps avant que Sébastien Guertin arrive, donc écoutons une pièce de Timber Timber. Est-ce que tu me parles de la nouvelle entrée qui est Sour Blue? Tellement à l'assemblage requis. Oh, ça sonne bon, ça. Oh, oui. Timber avec Sour Blues, une nouvelle entrée du palmarès anglophone que Mathieu a fait écouter à la population hier. Parce que tu peux parler de Barry White, ça sonnait comme ça, une petite voix. Là. À vous, hein? À vous, ça, on dirait que ça sonne dans le même créneau. On aime ça. Fait que Saint-Valentin, tout le monde, Timber. Et la conversion des sauvages. C'est ça, dans votre playlist. Bref, c'est toujours l'assemblage requis, bien sûr, qui se poursuit. Et enfin, Sébastien Evgartin qui vient d'arriver. Salut. Wouhou! Ça n'a pas de sens, la température. Ouais, c'est demain. Bref, on va s'en sortir, hein? Parce que on a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ben voilà. C'est pas. Moi, j'ai aucun contrôle sur les intros. Gars, est en train de partir là. C'est le bulletin Gartin. Sébastien F. Gartin, salut. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Un peu comme au débat hier entre Bernie Sanders et Ted Cruz, là, tout solennel sur CNN. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Je m'étais pas préparé de sujet au début. Ben, j'avais des idées pour des sujets alternatifs d'un coup, mais je m'étais pas vraiment préparé de quoi. Je me disais, bon, ça va être. Ils m'ont parlé du débat entre Bernie Sanders et Ted Cruz. Ils appellent ça le gros CNN Debate Night, là, comme c'était un débat, dans le fond, important pour les élections, parce qu'ils veulent conserver le momentum des codes d'écoute ben de oui, débat. C'est sûr. Ben, une des choses par rapport à ça, c'est que, bon, le sujet du débat, c'était ce qu'on appelle communément l'Obamacare, ce qui. La santé américaine. C'est ça, ce qui tient un peu lieu d'assurance. Pour tous. D'assurance universelle aux États-Unis, mais c'est pas tout à fait une assurance universelle. En fait, Bernie Sanders lui-même est connu pour vouloir. En fait, il veut que. Lui, ce qu'il propose dans sa plateforme quand il se présentait aux primaires, c'était vraiment de prendre le modèle canadien, en fait, d'avoir un guichet unique, puis une espèce d'assurance universelle qui est fournie par le gouvernement. Ouais. Qui est payé avec les impôts, dans le fond, qui fonctionne avec les impôts, au lieu de fonctionner avec comme une assurance privée, dans le fond. Parce que, bon, ce qu'on appelle l'Obamacare, en fait, c'est une loi. L'Affordable Care Act. C'est exactement. Donc, la loi des soins. Mon anglais, il n'est pas réveillé à matin. Abordable, c'est ça, exactement. La loi des soins abordables. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que si vous n'avez pas les moyens de vous payer une assurance privée, bon, premièrement, il existe une chose aux États-Unis qui s'appelle le Medicaid. Ouais. Ça ressemble déjà plus à notre système à nous autres. C'est une assurance qui est gratuite, fournie par le gouvernement, mais c'est fourni aux gens, aux personnes âgées dépassées 65 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Les jeunes de moins de 26 ans, on peut Les jeunes de moins de 26 ans qui sont étudiants, c'est bien important de voir la différence. Et les gens qui sont invalides. Ouais. C'est eux autres qui reçoivent ça. T'as Medicaid, t'as Medicare et t'as Obamacare. C'est ça. Et t'as toutes les assurances privées. Blue Cross, Blue Shield. Et ainsi de suite. Donc, le Obamacare, en gros, ce que ça dit, c'est qu'un emploi, une compagnie qui emploie plus de 50 personnes doit fournir une forme d'assurance maladie à ses employés. Et le fameux Obamacare, c'est une assurance qui est fournie par le gouvernement, dans le fond. Pour les autres. Ceux qui n'ont pas Medicaid, Medicare. C'est ça. Exactement. Donc, vous pouvez prendre le Obamacare, dans le fond, là, puis ça amène un paquet d'habits. Il n'y a aucune mention textuelle d'Obamacare nulle part, là, c'est les gens qui... Non, c'est vraiment le mot, puis ça a tellement été tagué comme ça. C'est pour dire, il y a quelques semaines, là, avant l'inauguration de Donald Trump, il y a eu un truc qui circulait un peu sur les réseaux sociaux d'un supporter de Trump qui était lui-même sur le Obamacare, dans le fond, qui parlait contre l'Obamacare. Ouais. C'est en train de nous ruiner, tout ça. Puis là, c'est sur Facebook, un de ses chums qui dit « Ouais, mais t'es pas là-dessus, justement. » Il dit « Non, moi, je suis sur le Affordable Care Act. » Ben oui. Mais t'es conscient que c'est la même chose. Mais non, Obamacare, c'est juste de le Trump, surnom. Des... Ils sont pas conscients, ils sont à peine... réveillé. Mais ça, c'était un exemple. Mais Jimmy Kimmel a fait un excellent reportage là-dessus. Il allait voir les gens dans la rue puis il leur disait, tu sais, est-ce que vous préférez Obamacare ou l'Affordable Care Act? T'sais, c'était pas mal ça le principe aussi. Puis tu voyais tout de suite c'était qui était... C'est ça. Qui est Trump. Et, ouais. Ouais. En gros, le débat hier, c'était Dieu merci entre Bernie Sanders et Ted Cruz. Okay. Pourquoi je dis Dieu merci, c'est que bon, les présidentielles, depuis que les primaires sont terminées, donc depuis qu'on savait que les candidats que le candidat républicain c'était Donald Trump et que la candidate démocrate c'était Hillary Clinton, la campagne présidentielle elle-même, donc entre ces deux-là, a été sordide. Je pense que c'est le mot le mot qui écrit mieux. C'était violent, sordide, c'était pas très édifiant, c'était pas très digne non plus, c'était irrespectueux. Anti-américain, c'était très, très... C'était constamment de l'attaque à la personne. Il y avait pas beaucoup de grands arguments qui ont flotté là. Et ça continue. Et là, hier... Oui. Bernie Sanders, bon, on le connaît, c'est un vieux de la vieille, c'est un intellectuel un peu plus. Fait que lui, il argumentait sur le fond, et Ted Cruz aussi. Oh! Ted Cruz a fait une très belle job. Tu sais, les deux sont restés respectueux tout le long. C'était, ils s'appelaient par leur prénom, parce que bon, c'est les États-Unis. Ben, c'était, Bernie vous dit que telle chose, Ted vous dit que telle chose. Mais c'est toujours resté respectueux. Il n'y a eu aucune attaque à la personne. Il n'y a même pas vraiment eu d'allusion à Donald Trump tant que Wow. La seule place, c'est quand que Bernie disait... Bernie a dit que lui, c'est un autre de ses chevaux de bataille aussi, c'est d'essayer de faire diminuer le prix des médicaments, parce que les États-Unis, c'est un des pays où les médicaments coûtent le plus cher à cause des lobbies, dans le fond. Dans le fond, Bernie, ce qu'il disait, lui, ce qu'il propose, c'est que ben qu'on commence premièrement par importer des médicaments de d'autres pays, dont le Canada, parce que ici, ça coûterait moins cher en fait aux États-Unis d'arrêter de se fournir avec les fournisseurs américains, puis juste d'acheter des médicaments des pharmacies canadiennes, puis juste les importer, puis ils feraient quand même du profit en les vendant moins cher. Donc c'est ça, ce qu'il se disait, c'est que bon, ben on va importer des médicaments d'autres pays. Ted Cruz était quand même d'accord avec cette idée-là. Il dit oui, effectivement, il y a un problème avec le prix des médicaments qu'on paye. Ted Cruz, lui, ce qui martelait par rapport à ça, c'était plus son cheval de bataille là-dessus. C'était plutôt qu'il disait, ouais, mais il y a des coûts reliés au fait d'avoir des nouveaux médicaments aux États-Unis. Il dit, c'est trop long, trop compliqué faire approuver un nouveau médicament. Là, il y avait des exemples un petit peu spécifiques que moi je trouve qui était peut-être pas représentatif de la réalité. Il disait par exemple, dans les 20 dernières années, il y a seulement 4 médicaments pour le 4 médicaments pour le cancer acceptés pour les enfants qui ont été approuvés aux États-Unis. Mais ils se sont dit, ouais, mais c'est parce... Bon, c'est peut-être un petit peu un choix spécifique de dire ça. T'sais, généralement, il y a pas tant que ça de médicaments pour le cancer qui ont été créés. C'est ça l'affaire, c'est ça. C'est... À un moment donné, on améliore, on dose les traitements puis tout ça, mais le médicament lui-même change pas tellement nulle part dans le monde. C'est pas un problème typiquement américain. Ouais. C'est juste, dans le fond, les grandes avancées sur le cancer, on est entre deux batchs de tout ça. Puis présentement, tout ce qu'on fait, c'est raffiner ce qui se fait déjà. Mais bon, tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est typiquement républicain quand même. Comme je disais, malgré le fait que je trouve qu'il a bien fait ça, ils vont généralement te répondre. Tu vas leur répondre avec des chiffres généraux, des grandes idées, des principes, tout ça. Puis eux autres vont te répondre, ouais, mais l'exemple de cette personne-là en particulier. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Ouais, vraiment. Parce que, oui, tu vas toujours avoir une exception. Oui, quand tu fais un nouveau système qui est supposé d'être plus humain puis tout ça, il va toujours en avoir qu'eux autres, dans leur cas, ça tombe pas bien. Mais l'idée, c'est qu'il faut que ça soit une infime minorité. Ouais, mais faut que ça soit bon pour le plus de personnes possible. C'est sûr que si tu vas mettre le doigt sur l'infime minorité, c'est sûr que là, tu nous racontes une belle histoire à propos de cette personne-là en particulier qui tombait exactement dans les craques du plancher. Ouais. Puis que là, qui a perdu sa couverture de sa couverture d'assurance, des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Les républicains sont bien forts là-dessus. Mais ça n'a pas été des alternative facts à la Kellyanne Conway, Donald Trump, Sean Spicer. Exact. Le trio d'enfer. le trio, c'est même plus de la post-vérité, c'est juste de l'anti-vérité. c'est du mensonge. C'est le tricheur, mais sauf qu'il n'y a pas de gagnants. C'est ça. Il y a des gagnants, mais c'est eux-mêmes. Pas la population. C'est ça. Donc c'est ça, comme je disais, le ton a tout le temps été respectueux puis tout, mais comme je disais en farce après, on s'attend quasiment à ce qu'ils soient allés prendre une bière ensemble les deux après. Ah ouais, hein. Ils se sont serrés à la main puis c'était cordial. Qui animait, si tu te rappelles? Je connais Jake pas leur... Jake Tapper, Wolf Blitzer, Anderson Cooper, non? Non. J'ai pas remarqué, puis ouais, honnêtement, j'écoute pas assez CNN pour connaître leur billet. C'est ça. Ouais. Ben, connaître, c'est ça, les sont assez centristes, quand même, Ciel. Ouais, c'est ça, les questions, ils étaient pas... c'était pas des questions qui étaient... tu sentais pas qu'il y avait une tendance pour un pour l'autre, ouais. Là. Les questions du public, ça a été... il y avait des questions du public, dans le fond. Ouais. C'était assez équilibré, c'était souvent... ça s'adressait souvent à un des deux. Mais c'était souvent des questions assez générales, puis c'était assez équilibré. Bon, il y en a eu, mettons, je dirais à peu près deux qui étaient qui étaient critiques un peu de la position démocrate, puis une couple des deux qui étaient critiques de la position républicaine. c'était assez là-dessus, c'était assez bien. Puis comme je dis là encore, ça s'est fait dans le respect. Ça n'était quasiment drôle d'ailleurs, Ted Cruz qui commençait toutes ses allocutions par d'abord merci de votre question, merci de bon, il y en a qui donnaient l'exemple. Bon, moi j'ai un enfant qui a le, il y en a un qui c'était, si je me rappelle bien, son il y avait un enfant à bas âge, un bébé quasiment qui avait une transplantation cardiaque. Qui parlait des médicaments là, de pour anti-rejet dans le fond là, pour pas que le mm-hmm. pour que la transplantation reste dans le fond là, pour pas que le système immunitaire de l'enfant rejette le cœur. Puis ces médicaments là, c'est très rare que c'est couvert par les assurances privées. Fait que là, bon, c'était un peu une attaque à Ted Cruz. Bon, Ted Cruz lui qui dit bon, premièrement merci des soins que vous donnez à votre enfant. Puis Ted Cruz il en mettait tout le temps épais. Ouais, ouais. Puis le style de Bernie, lui, c'était plutôt « C'est quoi déjà votre nom? » Mélissa, oui, c'est ça, OK. Je peux-tu t'appeler Serge? Mais ouais, c'est ça. Puis c'est ça, Bernie, c'était un peu drôle. On se disait en farce, quand il voulait parler, Bernie, tu sais, Ted Cruz, lui, était drette comme un piquet, puis à Mané, il parlait. Bernie, lui, là, tu vois, il gesticulait, il se préparait dans sa tête, puis à Mané, quand il était prêt, il regardait les... c'était un peu drôle. Il regardait les modérateurs, puis il levait la main. Jake Tapper, oui. Ouais. Il levait la main. Ouais. Je me disais, oh, c'est ça. Tu vois que lui est allé à l'université, il était habitué de lever la main avant de parler. Décorum. Décorum. Mais ça faisait un peu incongru en fait, mais bon, c'est le style de Bernie, il était un peu courbé. Ouais, son veston, il fait pas tout à fait. Puis il est cheveux. Il y a un papillon qui atterrit sur son micro, je sais pas trop. Non, il y a tout ça. Non, c'est quoi, c'est papillon, pas il y avait il y a une blague justement qui avait une des personnes qui a parlé pour le critiquer en fait. C'est une femme qui possède plusieurs salons. Salon de coiffeur, ouais. Qui dit qu'elle ne peut pas agrandir son entreprise parce que si elle engage une personne de plus, ben elle est obligée de fournir l'Obamacare et elle n'a pas les moyens de ça. Ah. Bon, là, on se disait, si tu as les moyens d'ouvrir une nouvelle succursale, pis ça, Bernie, là, il lui a dit un peu poliment, dit, ouais, mais tu sais, tu payes 50 personnes et tu ne leur fournis pas d'assurance santé, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, fais un examen de conscience. Ouais, exact. Tu sais, là, elle parlait de la concurrentielle, tout ça, puis il dit, ouais, mais il y a probablement quelqu'un, tu sais, dans la ville où ce que tu habites, qui a un salon de coiffeur et qui fournit un... Puis sûrement qu'en ayant plus de coiffeurs, tu vas avoir plus de clients, fait que tu vas pouvoir te permettre plus d'assurance. C'est ça. Puis tu sais qu'il y en a d'autres qui en fournissent des assurances à leurs employés, ils sont obligés de payer un... Oui, leurs prix sont un petit peu plus chers, fait que toi, t'as un avantage concurrentiel sur eux autres, mais tes employés ont moins de... Puis la façon qu'il l'a commencé, c'est ça, il l'a mis dans sa poche tout de suite en même temps, et puis il rentre ça dans la face, il dit « Mon Dieu, elle va péter sa coche », mais il l'avait tellement mis de son bord que... Ça, ce qu'il dit en blague, il dit « Bon, comme vous le savez, vous pouvez le constater, je connais pas beaucoup ça, moi, les salons de coiffure. » Bon, Bernie Sanders, il est tout le temps un peu ébouriffé, puis tu te dis que c'est sa femme qui coupe ses cheveux une fois par deux mois. Ouais. Mais... ou à peu près, là. Ouais, c'est ça. J'aurais dire, attends, là, tu te coupes les cheveux combien de fois, toi, par mois? Bon, moi, c'est encore moins souvent que ça, mais moi, c'est le clipper, puis j'attends que ça repousse, là. Ah, c'est okay. Ça. Mais bon, c'est ça, le je dis aux deux mots, c'est peut-être probablement plus que ça, là, mais j'ai dit un chiffre de même. Bref, j'avais dit que je parlerais pas de ça. Finalement, j'en ai parlé pas mal. Ouais. Mais c'est ça, en gros, bon, évidemment, c'était pas un... Comme je dis, c'est resté très cordial. Ça a pas été un débat qui a créé... qui a converti des républicains en démocrates, ni le contraire. Ils ont parlé, et puis ça a été probablement le grand moment de la soirée, c'est que, justement, sur la partie de la discussion, ce qui parlait des médicaments, Bernie carrément allait dire que, oui, il y a de la corruption au Parti démocrate. Il dit, il y a de la corruption à Washington. Il y a beaucoup, beaucoup trop de lobbyistes à Washington, puis... Il commence en disant ça, il y a de la corruption, il y a beaucoup trop de lobbyistes. Il dit, puis je vais le dire, c'est pas juste les républicains, c'est aussi les démocrates. Mmh. Le Parti mmh. démocrate a autant un problème par rapport à ça. Il y a eu comme une espèce de il a osé. Mais ça l'a, c'est en fait on l'a ressenti, mais ça a pas, ils sont pas revenus là-dessus. Ted Cruz a pas fait ah, fait que t'avoues que tu sais, non, il a dit oui, effectivement, il y a un problème, faut qu'on... Pis ça, même Bernie Amani l'a dit, ben, tu sais, Ted Cruz a été financé par certaines compagnies pharmaceutiques, fait qu'il va pas vous dire qu'il va être bien d'accord parce que c'est cohérent avec ses points de vue. Pis ça, d'ailleurs, on l'en remercie qu'il ait été cohérent de ce coup-là, de dire que oui, bon, plus de concurrence, plus de tout ça. Bon, Ted Cruz, c'est de la droite économique. Fait que c'est ça, lui, c'était tout le temps la concurrence. Lui, pourquoi est-ce qu'il compte l'Obamacare? C'est qu'il dit, en fait, l'Obamacare, lui, a sorti des chiffres comme quoi ça l'a monté le coût des assurances pour les gens, dans le fond, ce qu'on débourse, ce qu'il appelle les premiums en anglais, ce que les gens payent à tous les mois là, pour avoir accès à leur assurance. Lui, ce qu'il dit, c'est que si on avait l'Obamacare, ce que ça a fait, c'est que ça l'a réduit la concurrence parce que ça l'a tué une partie des compagnies d'assurance. Ce qu'il dit, lui, c'est que la grosse solution, parce que l'Obamacare, il y a des problèmes, Bernie Sanders l'a reconnu, que c'est vraiment pas parfait comme système. Comme il disait, il a pu passer sa... C'était, tu sais, maintenir l'Obamacare puis faire des ajustements, c'était la ligne démocrate habituelle, c'était la ligne de Hillary Clinton, entre autres. Bernie, lui, c'était vraiment... Non, l'Obamacare, c'est un premier pas vers... Une assurance universelle à un guichet unique qu'on appelle. Il y a une assurance, c'est l'assurance américaine. C'est ça, oui. L'argument fondamental de ça, c'est ben une assurance, plus t'as du monde qui paye pour, moins coûte cher. Ben si c'est l'ensemble du pays qui paye pour, ben s'il y aura rien de moins cher que ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est la logique derrière notre système de santé actuel. Là, bon, on a l'impression qu'on n'a pas la meilleure assurance possible avec ça. On finit tout par avoir des assurances privées d'un bord puis de l'autre. Ça, c'est l'aspect politique derrière. C'est quand on dit le yab est dans les détails. Ouais. Parce qu'on peut continuer à avoir des assurances privées. Même aux États-Unis, s'il y avait un seul guichet, il y aurait quand même les médecins privés. Peut-être, oui. C'est ça. Remarquez, les assurances privées au Québec, ça fait juste une quinzaine d'années. Que c'est établi avant. C'est super vieux, là. T'avais pas le droit d'avoir une assurance privée qui couvrait quelque chose qui était couvert par... Dans le fond, les assurances n'avaient pas le droit de couvrir quelque chose qui était pas couvert... On va recommencer du début. Les assurances privées au Québec, jusqu'à là une quinzaine d'années, n'avaient pas le droit de couvrir, dans le fond, de fournir le service de quelque chose qui est déjà couvert par l'assurance maladie universelle du Québec. Mm-hmm. Ça, c'est une loi québécoise. Ouais. C'est pour ça que quand je dis, c'est que les autres, ils parlent du Canada comme... parce que je reste avec le point de vue du débat quand même. Ils parlaient du Canada comme d'un système unique pour tout le Canada. C'est pas vrai. C'est une compétence provinciale. Le fédéral paye ce qu'on appelle les transferts pour la santé, pour financer les systèmes provinciaux. Dans le fond, il y a une partie de l'argent du fédéral, une partie du budget qui disent, bon... D'autres, on va pas dire aux provinces comment utiliser cet argent-là, mais on leur envoie une partie que la seule condition, en fait, qu'on met, c'est qu'il faut que ça aille à la santé. C'est pour vous encourager parce que c'est une décision canadienne. C'est écrit dans la Constitution que chaque Canadienne et Canadien doit avoir accès à des services de santé privés. Ouais. Privés. Public. Public, oui. Bel beau lapsus. Bon. Au Québec, nous autres, la façon que ça fonctionnait, c'est que c'était purement public, ça finit là. À la fin des années 90, il y a eu des changements. Fin 90, début 2000, en fait, c'est dans le temps que Philippe Couillard était ministre de la Santé. Okay. Il y a comme eu un petit regard donc, dans les yeux à Seb. Je pense, ouais, ben c'est ça. Dans c'est, regardez, ce que, regardez ce que Gaétan Barrette fait présentement, puis regardez Philippe Couillard ne pas être contre. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, avant, tu pouvais pas avoir d'assurance qui couvrait quelque chose qui était couvert par l'assurance publique. Ça s'est tombé, ça l'a permis la création de cliniques privées, puis là, bon, ben, ça l'a amené à la situation qu'on a actuellement, qu'on a des assurances privées, quand on veut passer plus vite, on va au privé. Ouais. C'était pas de même il y a 15 ans. Il y en a qui vont dire que c'est une amélioration. Le problème de tout ça, c'est que oui, c'est bien le fun de dire quand tu as les moyens, tu peux te payer un peu mieux, ou quand ton employeur est généreux. Mais le problème de ça, c'est que ça justifie en quelque part le fait qu'on laisse un peu à l'abandon certaines choses du système public. À base, ça devrait être gratuit. Puis d'ailleurs, bon, ça c'est une chose, Ted Cruz disait que bon, les pays socialistes comme le Canada puis la Grande-Bretagne, là, Bernie rit un peu en coin et lui dit « Ben, tu sais que pendant 10 ans, en Grande-Bretagne, ça fait depuis très longtemps qu'ils ont un gouvernement conservateur, donc la même gang que toi. Puis le Canada, ils viennent des libéraux, mais jusqu'à un an, ça a été des conservateurs pendant presque 10 ans. Ouais. » Fait que là, tu sais, bon, pays socialiste, bon, on s'entend, là, c'est socialiste par rapport aux États-Unis. Là. Mais... On s'entend Margaret Thatcher, qui est probablement l'icône du... Si le conservatisme politique était une religion, ça serait clairement le messie de... Je pense que Trump l'a nommé comme sa préf, là. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Margaret Thatcher, on l'a surnommé la dame de fer. Elle, c'était « on coupe dans tout ». Ouais. Les maudits pauvres, ils trouveront le meilleur job. C'est ça, Margaret Thatcher. Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Fait que Ted Cruz disait, ouais, mais tu sais, bon, il y a de l'attente, il allait même jusqu'à dire, bon, les pays qui ont comme en Europe, les personnes âgées, au lieu de se faire soigner pour le cancer de ci pis de ça, ils se font mettre en soins palliatifs pis tout. Bon, là encore, moi, je trouve que c'est un peu de la distorsion en même temps de dire ça. Une des choses, bon, une affaire qu'il disait, les MRI, tu sais, les scans magnétiques. Résonance magnétique. Les résonances magnétiques, il dit il s'en fait 10 fois plus aux États-Unis par habitant dans les pays qui ont des. Que dans les pays comme nous autres qui ont un système de santé publique. Ça, la réponse facile, c'est ouais, mais nous autres, justement, vu que c'est public, on n'en fait pas pour le fun, on en fait quand c'est nécessaire, ouais. Premièrement. Parce qu'il y a des coûts reliés à ça. Mm-hmm. L'autre chose aussi, c'est que ben, t'as tout le temps une distorsion par rapport aux États-Unis, parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont des assurances privées qui payent très cher. Donc, oui, dans ces cas-là, en way, garde-toi, là, parce qu'il bill, anyway. Ouais. Parce que ça, c'est l'autre côté aussi. Les hôpitaux, c'est des entreprises. Mm-hmm. Fait que le médecin, il va t'en diagnostiquer du stock, là, parce que lui, il bill à toutes les fois. Là. Ça, c'est l'autre affaire qu'il faut penser aussi. Fait que ça... Bon, on s'entend, moi, dans le débat, je prenais beaucoup pour Bernie Sanders, ben oui. A priori. Ouais. C'est, le débat ne m'a pas fait changer d'idée. Ce que j'ai l'impression, de toute façon, c'est que, bon, les républicains, les gens qui étaient déjà convaincus républicains, qui étaient déjà dans la base militante de Ted Cruz, n'ont pas non plus changé d'idée. Les indécis, moi, les indécis américains, c'est une classe un peu particulière, justement. On sait pas où ce qui se situe tout le temps, fait que ça, je sais pas qu'est-ce qui aurait pu être la conclusion de ça pour de ce point de vue-là. Je pense que ce qui a été le grand intérêt de ce débat-là, ben ça a été de peut-être montrer que les États-Unis sont encore capables d'avoir des débats publics sains et respectueux avec des vrais arguments. Comme je dis, je suis pas un grand fan de la manière républicaine avec des vrais politiciens, oui. Je suis pas fan de la manière républicaine d'argumenter, c'est-à-dire d'arriver avec de l'anecdotique un peu. Ouais. Mais ça reste que c'est mieux que de l'anecdotique qui est clairement et directement faux. Ouais. C'est juste de l'anecdotique de « on prend ce qui fait notre affaire ». Bon, ça c'est... Ça reste que c'était beaucoup plus rigoureux. Tu voyais qu'il y avait eu de la recherche qui avait été faite derrière. C'était pas... Je vais garocher n'importe quoi en disant « certains disent que... » C'est non. Tu vois qu'il y avait quand même... Ted Cruz avait son équipe de recherchistes. Il avait ses feuilles avec ses trucs qu'il notait dessus. Tu voyais que c'était un débat là, en bonne et due forme old school. D'ailleurs, on s'était dit, c'est drôle, parce que Ted Cruz, tu le regardais aller, puis tu disais, waouh, on dirait un... Il ressemblait à un président là, de l'ère des... Tu sais, il y a une époque là, des années 70-80 mm-hmm. qui avait vraiment là, un truc typique là, autour de Nixon. Ouais. Tu sais, le président avec les cheveux lichés, le costume dedans, droit, ouais. Tu sais, très sérieux, très... tu sais, une face à faire une statue. Là, ouais, là, ah, OK, ouais. Ce genre-là. Détestable là. Le visage, Ted Cruz. C'est sa caractéristique. Ben, c'est vrai. Moi, c'est sa voix qui m'énerve personnellement. Là. Ses manières. Il y a une voix de petit Joe connaissant, fatiguant. Ouais, mais, mais comme je dis, là, je parle de l'apparence rapidement. Bon, c'était drôle le contraste entre Ted Cruz, qui est, comme je dis, qui est monolithique. Tu sais, comme je dis, le veston droit, bien ajusté. T'sais, c'est ça, là, très sérieux, très... t'sais, on dirait que, justement, comme je disais, à toutes les fois qu'il parlait pas, il regardait son interlocuteur, mais tu disais, il y avait un air d'un gars qui était en train de poser pour se faire une statue de sa face. Un bus, là, pour mettre dans un bureau quelconque, ouais. C'est la Maison-Blanche, là. À côté, t'avais Bernie qui gesticulait, qui... Tu voyais, quand il réfléchissait, la face bougeait, son look ébouriffé habituel, ses vestons, là, il s'était fait critiquer pas mal en campagne primaire. Ses vestons tout le temps un peu mal ajustés, que tu sais qu'il les a achetés chez Moore. Je pense qu'il les a prêtés à Sean Spicer plus récemment, parce que lui aussi, c'est mal ajusté. Ouais, Sean Spicer, lui, ce qui avait été à critique, c'était que ses vestons étaient trop pâles. Ouais, là, trop pâles. C'est ce que Trump aimait pas. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, finalement, j'ai pas parlé du sujet que je pense. J'ai parlé On peut y venir. Ouais, ben de toute façon, ça va être compliqué. Je voulais parler de la carte électorale québécoise, mais ça, on va en reparler de toute façon. Ah, on n'a pas fini. Là, fait ouais. que... Mais pour très, le débat de CNN, ouais. C'est ben en fait c'est qu'on parle de Sean Spicer, de l'apparence puis tout cette semaine Saturday Night Live. Sean Spicer s'est fait caricaturer par Melissa McCarthy. Ça a l'air que c'est excellent. Oui, tout le monde dit très drôle. On va s'en rappeler dans 20 ans, genre. Ce qui est apparemment que ça bat Alec Baldwin en Donald Trump. Oui. Ouais. C'est ben c'est pas aussi drôle, c'est ça. Mais c'est à quel point est-ce que Melissa McCarthy elle l'a pour. Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est qui le nom, c'est Suki dans Gilmore Girls. Oui, exact. Où, la, elle fait plein de films en ce moment là. Ouais, dans ben dans le remake des Ghostbusters entre autres. Oui, là. Oui. Aussi oui. C'est ça. Donc super de bonne humoriste, t'sais, bonne pour faire des rôles comiques puis tout. Bon là, Ghostbusters, je l'ai pas vu, fait que je peux encore dire ça. Il paraît qu'il est vraiment bad. C'est, oui, mais, le film est très bad, mais elle, c'est une très bonne actrice, ouais. Au moins ça aide. Et c'est ça, fait qu'ils l'ont déguisé, ils ont mis une perruque pour qu'elle, puis un habit lousse. Ce qui est frappant, c'est que bon, Melissa McCarthy, c'est une femme, elle a quand même une voix de femme. Aiguë, ouais. Aiguë, c'est sûr qu'elle change un peu sa voix pour l'imiter, mais tu te dis étonnamment, elle sonne vraiment beaucoup comme Sean Spicer. C'est vrai que tu réalises qu'il n'y a pas une grosse voix. Et là, il y a eu il n'y a pas eu de sortie publique comme telle, mais bon, on savait que Trump avait déjà repris Sean Spicer sur ses choix vestimentaires, justement. On sait que bon, Donald Trump a toujours été quelqu'un de très très porté sur l'image. Ouais. Mm-hmm. Il aime pas qu'on rie de lui ou des gens qui sont associés à lui. C'est ça. Lui, c'est très important le look. Là, on se dit, ok, sa face orange, ses cheveux tout croche, c'est voulu. Ouais. C'est voulu. Ouais, c'est ça. c'est un choix conscient et cohérent de sa personne de faire dur comme ça. Pourquoi on sait mais pas. Mais ses vestons vont toujours être très bien ajustés. C'est pas pour rien ses cravates rouges. C'est tout pensé, ouais. Ça. Et bon, il a fait sa carrière pré-politique. On s'entend qu'elle est probablement pas encore finie d'ailleurs. Ouais. Mais bon, c'était dans la télé-réalité, c'était dans les Miss Universe, pageants. Ouais. Tout de l'apparence, le look des choses, ça a tout le temps été ça, lui. On s'entend, ces femmes ne font pas dur. On s'entend. Puis bon, tu sais, il a été marié quoi, trois fois, Donald Trump? Je crois que oui, ouais. Puis les trois fois, c'était des mannequins. Oui. Ouais. C'est ça. Européenne. Européenne. La première est américaine, par contre. Excuse-moi. La première était. Ouais. Mais c'était un mannequin pareil. Oui, oui. Mais c'était une américaine. Elle avait l'air. Native c'est ça. Elle devait avoir l'air. Ouais, c'est des racines. Des fortes racines suédoises, finlandaises. Mélania est d'origine slovaque, si je me rappelle bien. Je pense que oui. Pays de l'Est, là. Ceux qui sont blonds. Puis... Mais ouais. Où ce que je voulais en venir avec ça, c'est que là, il y a des grands donateurs de Trump qui, sous le couvert de l'anonymat, ont dit « Ouais, le Donald aime pas tellement ça, le monde qui se font parodier. » Ils disent que le problème, c'est pas tant que Sean Spicer s'est fait parodier, c'est le fait que c'est fait parodier par une femme. Ouais. Ah, mais là, il y a des articles sur Internet qui disent que dans le prochain SNL, tout le cabinet de Trump devrait être joué par des femmes. Ah, ça serait merveilleux. Il y a comme des suggestions, Rosie O'Donnell dans le rôle de Steve Bannon, etc., ça. C'est parfait, ça. Ça va être parfait. Ouais. Mais effectivement, là, c'est du militantisme. Oui. C'est du militantisme humoristique rendu là. C'est drôle parce que je n'ai déjà parlé en ondes une couple de fois. Il y a un livre que j'avais lu, c'est un philosophe américain qui, à base, lui, se spécialise dans les... il s'appelle Joseph Heath. Je dis américain, mais c'est pas vrai, en fait. Il est canadien, mais bref. Le livre n'a pas été traduit en français, mais ça s'appelle Enlightenment 2.0. C'est pour renouveler, re-rationaliser le discours public américain. Ça a été écrit, ça a été publié en 2015, donc avant que le Trumpster embarque dans la politique. Le bon temps, qu'on appelle. Le bon temps, le mais bon vieux il temps. Parlait déjà de. En fait, lui, il critique il y avait déjà de la truthiness, là. C'est-à-dire un petit peu... supposée vérité. La supposée vérité, entre autres, celui, la grosse cible, c'était les Sarah Palin de ce monde. Ouais. Qui est très à l'aise dans le nouveau contexte politique, d'ailleurs. Là, ça commence à circuler, d'ailleurs, que nouvelle en rafale, là, ça se peut que ça soit notre ambassadrice américaine. Ah, yeah! Yeah! Wow! Hey, hein? On trépigne de joie. Betsy DeVos, puis elle. Ouais. Équipe. Ouais. Wow. Bref. Ouais. Donc, pour conclure sur une note plus positive, je rappelle qu'au moins le débat d'hier, c'était un petit peu plus propre. Ça s'est fait dans les règles de l'art. Il n'y avait pas d'attaque ad hominem ni de ni de Alternative Facts. Si ça vous intéresse, en passant, sur le site de CNN, il y a non seulement la Reality Check Team, dont on a déjà parlé, l'équipe de vérification des faits de CNN, qui parle de tout le débat et de tout ce qui a été dit, mais aussi, sur le site de CNN, dans la section vidéo, Cruz Sanders Debate Obamacare in 90 Seconds, un résumé de 90 secondes du débat, si ça vous intéresse, CNN.com. Parce que le débat au complet, il y avait des longueurs. Il y avait des moments où ça virait en rond, les deux répétaient leur ligne. C'était deux heures, une heure et demie? Ça a duré à peu près deux heures. C'était supposé être 90 minutes, puis finalement, ça l'a étiré. Ça a fait un bon deux heures bien tapé, là, avec à la fin, dans le fond. Avec la petite analyse de leurs commentateurs, j'imagine, après, comme toujours. Ça, je l'ai pas écouté, honnêtement, ça m'intéresse pas. C'est ça. Merci, Sébastien Vigatin. Ben, merci à vous. On a un petit avant-goût du prochain sujet, la carte d'élection québécoise. Ouais, de... Je sais pas si je vais en parler la semaine prochaine, mais c'est sûr que ça va revenir sur le sujet parce que ça a créé un peu polémique et on n'a pas fini d'entendre parler. Super, merci, Sébastien. Alors, on te retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 7h30 dès le début de l'émission. Oui. Bim, après la neige. Oui, c'est ça, tout le temps. Parce que Seb, quand t'arrives ici le mercredi, depuis peut-être quoi, 3 semaines, il y a tout le temps une tempête? Ouais. T'es comme le Steve Bannon, t'amènes le. Ouais, t'es comme Monsieur Météo. Oh non, dis pas ça pour vrai, là. Bannon, c'est un Bref, mercredi 7h30, c'est dit. On écoute, t'as parlé de Monsieur Heath tantôt, là, qui avait écrit un livre, là, Enlightenment 2.0. Ben, ça m'a donné envie, moi, d'entendre Heath sans le H à la fin. Oui, sur la conversation anglophone. Comme manger. Comme manger. Non, ça c'est Heat, pas de H sur les mots. Ok, H-E. Heat. Ok, je comprends. Comme de la chaleur, ce qu'on aurait besoin en ce moment. Comme un petit peu de chaleur. Voici l'extrait Lush à Assemblage Requis sur C'est Fou. Après ça, Tania is gonna shooting. Timber Timber avec la pièce Sewer Blues. C'était pas Lush. Lush. De Heath. Ah, t'as raison. Je dis ça comme ça. C'est bien de serrer le Celeste Timber Timber ouais, qu'on a parlé avec Sébastien. C'est juste pour ça. Ça m'a bien. Bref, merci Tania d'être ça plus présente plaisir. Que moi. Au retour de la pause, c'est justement Tania is gonna entertain you qui s'en vient et après ça, dans les coulisses de la lutte à Assemblage Rocky. Assemblage requis qui se poursuit en ce mercredi 8 février 2017 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, vous avez entendu la pub il y a quelques instants. Notre ami Alfalfa le lutin s'en vient à 9h environ pour parler de jeux de société et d'alcool. Ça va être super le fun. D'ici là, il y aura Xavier McClish qui va nous parler d'improvisation dans les coulisses de la lutte. Mais tout de suite, là, à l'instant, c'est Tania qui va nous parler dans Tania is gonna entertain ya. Yeah. On est prêts? Pardon. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dire. She's gonna dire. Tania Baudin. Première chronique. De la semaine pour Tania Gagnon Tania. Oui, oui, tout à fait. Absente lundi, c'est pas effiloché mardi, et nous voilà arrivés, deux chroniques dans la semaine. C'est quand même un pas pire chiffre. Exactement. Je vous dirais que, bon, peut-être que ça va être raccourci selon comment je vais m'étouffer. Ah, au bon. Mais ça va mieux qu'hier. Oui, ma voix sonne mieux aussi. Je sonne moins comme un homme. Ouais. Donc, je remercie le ciel de ça. Mais ça a pu sonner comme un homme et comme une femme dans la même chronique. Ça a été parfait pour nous amener à ton sujet de la pilule contraceptive et de moyens de contraception. Tout à fait. On parle de moyens de contraception ce matin. C'est quand même drôle, mais vous allez comprendre un petit peu. On a déjà parlé de la pilule contraceptive pour les hommes. Mm-hmm. On va y revenir. Mais là, il y a une nouvelle façon de se protéger, un nouveau moyen contraceptif qui est sorti dernièrement, qui fait un petit peu jaser et surtout la une de plusieurs blogs, que ce soit des blogs entièrement féminins ou que ce soit encore des blogs, par exemple, de la presse ou de ici Radio-Canada. Vraiment, dans les derniers jours, on a entendu beaucoup parler de ça et je me suis dit pourquoi pas le présenter, faire de moi une soit c'est fou le sexe ou peu importe les émissions qui pourraient en parler ici à C'est fou 89FM. Je me dis que c'est tout le temps bon de le savoir, puis ça veut pas nécessairement dire que les gens écoutent tout le temps la radio à la même heure. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui le savent, De ces temps-ci, je dirais que c'est pas mal, c'est full sexe et personne d'autre aborderait ce genre de sujet-là, il me semble. Probablement. Pas sûr, ça fitterait pas à grand place. Oui, c'est ça. Mais il faut comprendre que c'est aussi une nouvelle avancée au niveau de la technologie, au niveau de ce qu'on connaît par rapport à la contraception ici au Québec, ici au Canada et surtout dans le monde. Et c'est surtout aussi un avancement du côté des hommes versus des femmes. Ouais. Parce que, bon, comme je disais tout à l'heure, on va se reparler de la pilule, mais il y a eu quelques contraintes qui ont fait en sorte que c'est peut-être pas ce qu'on espérait que ça devienne, la pilule contraceptive pour hommes. Donc, de ce côté-là, peut-être que ce nouveau moyen de contraception-là va venir faire en sorte que ça va être un petit peu plus facile pour les deux parties. Mais bon, avant de commencer dans tout ça, je voulais quand même vous sortir quelques chiffres avec la contraception au Québec et au Canada. Donc, en 1892, c'est le Code criminel du Canada qui a considéré comme criminel la vente, la publicité ou encore l'offre de contraception. Pour prévenir ou espacer les grossesses, on utilisait la méthode qui était le calendrier, la vieille méthode de calculer comment ton cycle menstruel fonctionne. On calculait aussi l'allaitement. On utilisait bien évidemment les condoms, les douches vaginales et les diaphragmes. Donc, c'est tout ce qui n'était pas calculé comme étant criminel en 1892. Et la pilule, elle, a été introduite sur le marché canadien simplement en 1961. Ah. Ça fait pas extrêmement longtemps si on regarde ça comme ça. 1961, moi, si ma grand-mère n'a pas eu le moyen de contraception, là, quand ouais. on regarde ça comme ça. Ils ont pas mal plus d'enfants aussi. Hein. Exactement. On s'entend que les familles sont pas mal moins nombreuses qu'elles étaient. Donc, ça a été qualifié en fait de produit d'hygiène féminine à la base. Et c'était officiellement prescrit justement afin de régulariser ce cycle menstruel-là. Si on se souvient tous, quand on, surtout là, je parle pour les filles, là, quand on est au secondaire, la première approche qu'on nous donne pour la pilule contraceptive, c'est justement de régulariser ce fameux cycle menstruel-là. C'est pas nécessairement de voir ça comme un moyen de contraception pour que tu aies des relations sexuelles, par exemple, à 13 ou 14 ans. C'est un effet secondaire. C'est, c'est sûr que ça vient avec un petit peu. Mais lorsqu'on a 13, 14 ans, lorsqu'on décide de prendre la pilule dans les premiers temps, c'est surtout justement pour régulariser ce cycle menstruel-là. Parce qu'on se rappelle, la méthode du calendrier, à la base, c'est toujours la méthode qui est la plus sensée. Mm-hmm. Parce qu'en théorie, la plupart du temps, les femmes vont avoir un cycle menstruel qui va être régulier. C'est sûr, on le sait tous, il y en a beaucoup que c'est zéro régulier, que ce soit avec pilule, que ce soit sans pilule. Imprévisible. Ça arrive, il y a plusieurs choses qui se passent dans le corps d'une femme et dans le fonctionnement du système d'une femme qui fait en sorte que ça peut être déréglé. Mais à la base, la régularisation d'un cycle menstruel, c'était pour ça qu'on a créé la pilule. Alors, par la suite, il a fallu attendre jusqu'en 1969 pour que la contraception soit décriminalisée. Donc, avant ça, les femmes, les professionnels de la santé avaient comme une espèce de mission qui était de militer pour justement le planning des naissances. Et en 1970, le Front de libération des femmes du Québec, qui a traduit le birth... qui a traduit le Birth Control Handbook, qui était produit par le Montreal's Women Liberation Movement, ont fait en sorte que c'est devenu quelque chose qui était beaucoup plus normal que de prendre la pilule contraceptive, même si tu voulais pas avoir 12 enfants. C'est la personne qui prescrit une méthode de contraception est tenue quand même au secret médical et c'est pas autorisé à en parler à la famille, aux partenaires ou encore aux personnes qui sont autour, à moins d'un consentement écrit de la part du client. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que vous décidez de mettre votre fille de 14 ans sous contraception parce que vous avez peur qu'elle ait des relations sexuelles que vous avez le droit de le savoir. Non, c'est ça. Et c'est pas parce qu'elle décide non plus d'aller le chercher par elle-même que vous devez le savoir. Il y a aucun papier à être signé. C'est pas quelque chose qui doit être vendu simplement à partir de 18 ans. Il y a pas d'âge pour une pilule contraceptive, par exemple. C'est vraiment aussi, comme je venais de le dire, un secret médical. Ça se passe entre le médecin et le client ou le patient. La seule autre personne qui va le savoir, c'est le fœtus. Point, point. T'es terrible. C'est une chose. Oui, bon, hein, c'est sûr que... En tout cas, on va calculer ça comme ça. Il y a plusieurs moyens de contraception, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec ou encore un petit peu partout dans le monde. J'ai quelques exemples pour vous. Bien évidemment, on a les condoms masculins que la plupart du temps, les gens connaissent quand même assez bien. La pilule contraceptive. On a aussi les condoms féminins. On a le stérilet. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi controversant parce que la plupart du temps, il y a certains médecins qui vont refuser d'installer un stérilet si on n'a pas encore eu de grossesse, parce que bon, ça peut venir jouer de façon très très dure sur le système reproductif de la femme, reproductif. Ouais, on dirait que je suis plus sûre. Donc, le stérilet, c'est sûr que vous devez voir avec votre médecin si c'est quelque chose qui lui accepterait ou elle accepterait de vous poser, parce qu'il y a des médecins, surtout des anciennes générations, à l'ancienne, ouais, qui refusent de poser un stérilet parce que par la suite, il peut y avoir certaines complications lorsqu'on désire avoir un enfant et qu'on a un stérilet. Pourtant, on est en période de stérilet, d'austérité. Bon, il y a aussi pilules combinées, des injections, il existe aussi des timbres, il existe l'anneau. L'anneau, ça aussi, c'est un petit peu plus controversé parce qu'on s'entend que ça lance tout le temps des hormones dans le corps de la femme. Donc, les sauts d'humeur qu'on connaît quand même assez bien avec la pilule, c'est à l'extrême. Il y a certaines histoires d'horreur aussi qui sont arrivées avec certaines femmes, certaines filles qui étaient sous prescription de l'anneau. Il y a eu quelques suicides. Ça joue vraiment beaucoup sur le moral, sur ce qui se passe du côté des hormones de la femme. Donc, est-ce qu'il y a des avantages à ça? Bien oui, en fait, c'est t'as pas à y penser, tu le laisses à l'intérieur de toi. C'est pas comme une pilule contraceptive, tu vas pas le changer, tu vas pas le prendre à tous les jours. C'est pas une grosse habitude à prendre une pilule. Pour enlever les conséquences de l'anneau, il me semble que c'est pas un si dur prix à payer. Ben, ça dépend aussi. Certaines personnes, la pilule n'est pas assez forte pour eux. Ça va tout le temps dépendre de comment votre système est fait pour la femme. C'est sûr que de ce côté-là, c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais... En dernier recours, disons l'anneau. Oui, exactement, en dernier recours. Ou si vraiment vous voyez avec votre médecin qu'il n'y a aucune pilule qui est assez forte en termes d'estrogène ou peu importe, en termes d'hormones qui fait le fonctionnement et qui vous sauve, entre guillemets, de bien des choses... Bien, on va pouvoir se transporter vers l'anneau. Il y a plusieurs moyens aussi de prendre la pilule, que ce soit de façon régulière sur un mois, c'est-à-dire 3 semaines ou encore en continu. Ça va toujours dépendre des conversations que vous allez avoir avec vos médecins. Est-ce qu'il y a différentes forces de pilule? Oui, tout à fait. Okay. Parce que ça va différencier selon ce que les tests que vous avez fait avec vous, votre gynécologue la plupart du temps ou votre médecin de famille. Je remarque toujours à la pharmacie l'éponge, sponge et pochette. L'éponge féminine? Ouais. Tu vois, je ne connaissais pas ce moyen de contraception. Je la vois à la pharmacie tout le temps. OK. Parce que je passe par une année. Tu parles pas de la Diva Cup, là. Tu parles... Non, l'éponge. C'est marqué éponge dessus, féminine. Ouais. Ah! Ouais. OK. Ouais. C'est un moyen de contraception? Je sais pas. Tu te rends... C'est peut-être un peu un dérivé de l'anneau, en fait. Ça fait peut-être la même chose. Peut-être que cette éponge-là est imbibée de quelque chose à la base de certaines hormones, puis ça va sécréter tout au long du mois, en fait, parce que l'anneau, c'est ça qui est différent. C'est qu'on va l'insérer et on va le laisser là, en fait, pendant un mois. Au bout d'un mois, on va le changer, tout dépendant si on le fait en continu ou on le fait vraiment mois par mois. Et ça, encore une fois, ça reste à voir avec votre médecin selon vos besoins. Oui, faites rien sans besoins, demander. On s'entend. Hein? Allez pas à l'épicerie, à la pharmacie. Allez pas à la pharmacie puis demander un moyen de contraception sans nécessairement avoir vu soit de pharmacien ou soit un spécialiste de la santé féminine. Si tu vas à la pharmacie puis tu demandes un anneau, ils vont te donner de l'agneau. Ça rentre pas là. C'est sûr que... Ça baisse du goût, mais ça rentre pas là. C'est peut-être pas le meilleur moyen. Donc, tout ça, à la base, c'est souvent discuté entre filles, c'est souvent discuté entre femmes, les fameux moyens de contraception. On pense pas nécessairement toujours à inclure les hommes ou les gars dans ces conversations-là. Si vous vous rappelez, au secondaire, on apprenait aux gars à mettre un condom, mais on leur apprenait pas peut-être nécessairement ce à quoi servait la pilule pour une femme. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a quand même un développement qui se fait au niveau de la conscientisation pour les gars, surtout à comprendre qu'est-ce que c'est. Et bien évidemment, il y a quelques mois, on avait vu la pilule pour les hommes qui allait peut-être voir le jour. C'était un projet, c'était des tests qui étaient en train de se faire. Il y avait la conception de ce moyen de contraception-là qui commençait à prendre forme un petit peu partout dans le monde. On en a vu des essais aux États-Unis, on en a vu aussi des essais en Australie, si je me souviens bien. Donc, c'est des essais cliniques de contraception hormonale pour les hommes qui ont été suspendus, en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été suspendus, ces fameux essais cliniques-là? C'est en raison des effets secondaires que provoquaient les pilules contraceptives pour les hommes. Et là, j'ai quand même un petit sourire en point. Je me rappelle d'avoir entendu ça. Oui, parce qu'en fait, il y a des troubles que subissaient des hommes qui n'étaient pas nécessairement à l'encontre de ce qu'ils pensaient qu'il allait être. Genre les sautes d'humeur? Exactement. Ah, donc, ils ont tout simplement refusé de se retirer de ces fameux essais cliniques-là. Le problème, c'est que présentement, on ne peut pas nécessairement faire d'autres essais cliniques parce que les hommes sont tous partis de ces essais cliniques-là. Les gars n'ont pas été habitués à ça, alors que les filles ont toujours été là-dedans. Ben, c'est parce que depuis qu'on est tout jeune, on dit à une fille, c'est normal, écoute, t'es dans ses SPM, elle a des sauts d'humeur, blablabla. C'est normal. C'est une fille, c'est normal. C'est ton problème, c'est une fille, t'as dit qu'elle n'a pas été une fille. Donc, c'est une étude qui est parue vers la fin octobre, début novembre, en fait, dans The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Je lis ça à tous les mois. Ben oui, tout à fait, moi aussi. Donc, ça suscitait en fait de nouveaux espoirs en matière de justement prévention des grossesses qui étaient non désirées, surtout autant qu'elles semaient le trouble dans la tête de plusieurs personnes parce qu'on se disait, si on a besoin d'un moyen de contraception au niveau de la pilule pour les hommes, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir encore utiliser le condom? Est-ce qu'on va devoir arrêter la pilule pour la femme? Comment est-ce que ça va fonctionner? est-ce que si une fille qui est sur la pilule contraceptive de son côté et qu'un homme est sur la pilule contraceptive de l'autre côté, est-ce que c'est pas comme deux moins, ça va s'annuler? Est-ce que c'est, tu sais, il y avait plusieurs questionnements à ce niveau-là, donc c'est pourquoi on avait décidé de faire les fameux essais cliniques. Et d'un côté, on montrait aussi l'efficacité d'une méthode de contraception hormonale qui était masculine, qui était testée sous forme d'injection. Donc, on a fait ces essais cliniques-là auprès de 320 hommes, aux 320 volontaires. De ce côté-là, on révèle un arrêt prématuré des essais cliniques, encore une fois. Pourquoi? C'est parce que les effets secondaires associés les plus courants étaient l'acné, des douleurs à l'endroit où les injections étaient faites. Okay. On parle aussi d'une augmentation de la libido et des troubles d'humeur. Ah. Tout ce que les femmes vivent... Ben non, pas de crampes. Tout ce que les femmes et les filles, les jeunes filles, surtout si on parle là, de juste régulariser un cycle menstruel à l'âge de 13-14 ans, ce sont tous des choses que les jeunes filles et que les femmes vivent. Mais du moment qu'on demande de faire l'essai aux hommes... Mais c'est pas trop compliqué. Ça prouve vraiment que les filles sont plus fortes que les hommes. Ben moi, je pense que oui. Et ben que... Oui. Puis que les gars sont juste là pour avoir l'air macho, mais quand c'est le moment d'avoir vraiment mal, hein, tu sais? Au début, on a trouvé ça étrange, en fait, parce qu'on n'avait pas nécessairement les résultats du pourquoi les gens abandonnaient ces essais cliniques-là, pourquoi les hommes se désintéressaient des essais cliniques. Donc, ça a été un arrêt prématuré et qui a surtout été étrange aux yeux des chercheurs. Puis on se rappelle qu'ils étaient payés pour. D'habitude, dans cette essai, ils payaient pour, fait que c'était pas capable d'être payé et d'avoir un petit peu mal, un petit bouton. Ben oui. Tu sais? Tu sais, on s'entend, la contraception hormonale féminine, c'est aussi responsable de bien d'autres troubles, par exemple, des maux de tête, des nausées. Tout à l'heure, tu parlais de crampes. Les crampes abdominales, ça rentre bien évidemment là-dedans. On parle encore d'une prise de poids du côté des filles ou des femmes. Ça détaille aussi plusieurs pilules contraceptives et ça rappelle qu'il existe des cas rares de perforation de l'utérus par des stérilets. Tout à l'heure, je disais que l'utilisation d'un stérilet pour une fille, c'est quand même assez controversé. Donc, il faut mettre les hommes à un certain point à l'affût de tout ce qui se passe de ce côté-là. Il faut qu'ils soient conscients que c'est pas parce que vous avez abandonné les essais cliniques qu'on va pas vous redemander à un moment donné d'avoir un moyen de contraception. Là. Wow, minute! On s'entend qu'on fait ça aussi pour vous protéger, vous, parce qu'une femme qui va prendre la pilule contraceptive, ça a aussi de très bons moyens de se sauver de certaines situations. Je le mets vraiment entre guillemets en disant sauver parce que je, tu sais, le mot peut être fort comme le mot peut sembler aussi peut-être méchant pour certaines personnes. Mais c'est sûr qu'un moyen de contraception, que ce soit juste la fille qui l'utilise, c'est pas winner. On est deux à danser le tango. Ouais. Hein? Rappelons-nous ça. Donc, c'est les filles qui prennent tous les désavantages de oui, ça. Oui, ben, c'est grossesse. Parce que si on regarde ça comme ça, que ce soit la grossesse ou que ce soit un moyen de contraception pour se protéger de des infections transmises sexuellement. On le sait, rendu en 2017, un ITS, tu peux quasiment pogner ça sur le bol de toilette à l'UQTA. Ouais. Donc, probablement forte chance aussi à l'UQTA. Donc, en passant, ceci n'est pas un conseil médical. Non, c'est pas littéralement pas une ITS sur les... Je pense pas. Bien, en fait, il y a certaines infirmières, certains spécialistes de la santé qui disent qu'il y a une forte hausse d'infections transmises sexuellement qui est tellement propagée partout dans certaines personnes que si dans pas long, on va pouvoir peut-être dire ça. Mais les petits papiers pour mettre sur la bolle, là, vous avez juste... T'en as-tu vu, toi, ici? Non, exactement. Ouais. Alors, à moins de t'étaler la moitié de rouleau de papier de toilette sur le bol de toilette avant d'y aller, peut-être qu'un jour, il y a certains spécialistes qui disent que... C'est rendu féroce, ça sort les griffes, les ITS. On va faire comme dans les pubs de Lysol. Je sais pas si t'as vu Lysol, genre les enfants touchent un bol de toilette, puis ils traînent leur siège de toilette à la maison. Non. Puis ils prennent de l'eau dans l'abreuvoir, fait qu'ils traînent l'abreuvoir jusqu'à la maison. T'as pas vu cette pub-là? Non, du tout. Fait qu'on va se traîner notre propre siège de toilette. Ben, on devrait. Ouais. Mais là, ce matin, ce que je voulais vous dire, parce que le fameux moyen de contraception qui fait tant parler dans les derniers jours, c'est un condom invisible. Ouh! Tu sais, il y a certains hommes qui aiment pas ça, mettre un condom. Tu sens rien. Tu sens rien, t'as pas le petit feeling de peau à peau. Je me sens vraiment comme dans ces full sexe présentement. Ouais. Mais on parle d'une protection qui est rapprochée, donc on se rapprocherait justement de ce fameux feeling qui est plus peau à peau là. Et ça a été développé à Québec. Donc, le condom invisible pour femmes pourrait, encore une fois, pour femmes. Je tiens à le répéter, c'est encore un moyen de contraception qui a été créé pour la femme. Mais messieurs, c'est sûr que vous allez l'utiliser. Rappelez-vous de ça. Donc, ça pourrait s'avérer être le premier moyen qui va permettre à la femme de se protéger de façon entièrement autonome contre les ITS. Les ITS et les MTS, on s'entend, on parle d'infections transmises sexuellement, mais il y a aussi des maladies qui sont transmises sexuellement. Ça peut commencer par une ITS et par la suite, ça peut se dégénérer assez facilement lorsqu'on est rendu du côté féminin et tout ça. Donc, j'ai aucune idée de ce que tu étais en train de faire jouer présent. Non, le thème de... C'est ça? Oui, OK. C'est ça, là, je suis là, mais ça, ça me dit quoi? Donc, c'est un pas de plus, en fait. On se demande si c'est pas un pas de plus vers l'égalité des sexes ou tout simplement une autre façon de déresponsabiliser les hommes. Parce que, bien évidemment, un condom, à la base, tu te dis que c'est le gars qui va le mettre, mais bien souvent, c'est la femme ou la fille qui va devoir convaincre le gars de le mettre. Ouais. C'est pas quelque chose qui est tout le temps facile. Donc, si on a un condom invisible, dit invisible, là, on s'entend, il n'est pas nécessairement entièrement invisible. C'est pas un spray. Non. Vous allez voir. Je vais vous le dire, en fait. Là, mais c'est tout simplement, il a donné ce titre-là parce que ça a été développé à ce que ça puisse rester un petit peu quasiment secret. C'est plate de devoir dire ça, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a certains hommes, certains gars qui n'aiment pas nécessairement mettre un condom, tout simplement, un préservatif. Alors, le condom invisible pourrait peut-être, à un certain point, venir aider la femme dans ce procédé de devoir convaincre un homme à mettre un préservatif lors de rapports sexuels. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est unique. Ça va sauver des millions et des millions de filles et de femmes. C'est ce qu'a dit un chercheur au Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval. Et qu'est-ce que c'est le fameux condom invisible? C'est un tube transparent qui est percé de trous et qui est rempli d'un gel translucide. Donc, tu parlais d'un spray. C'est pas un spray, c'est un gel qui est rempli à l'intérieur d'un tube qui est transparent. Donc, on l'a nommé le condom invisible. C'est une invention sur laquelle planchent des chercheurs québécois depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, on voit qu'il y avait quand même déjà, il y a 30 ans, un questionnement par rapport à comment est-ce qu'on pouvait aider ces femmes-là et ces hommes-là. Donc, on essaie de donner le pouvoir aux femmes. On s'entend, on connaît la capacité du condom à prévenir les grossesses qui sont non désirées. On lutte aussi contre les infections qui sont transmises sexuellement. Mais le gros problème dans tout ça, c'est que les hommes sont parfois, encore une fois, réticents à porter ce fameux petit bout de latex ou non latex, tout dépendant de ce que vous préférez. Peau d'agneau, peu importe. Exactement. Ce qui peut ça mettre... Ça d'agneau dans notre... Oui, on met pas d'agneau là, s'il vous plaît. Ce qui peut mettre, bien évidemment, le partenaire féminin à risque, mm-hmm. que ce soit pour une grossesse ou que ce soit pour une ITS. On le rappelle, lorsqu'on met un condom, messieurs, c'est pas juste parce qu'on veut pas tomber enceinte. C'est parfois parce qu'on trosse pas la dernière personne avec qui vous avez couché. Ben, tu sais, c'est parce que les gars, justement, ont tellement pas de conséquences à rien que c'est comme bang, bang, bang, ben, bang. Ben, c'est surtout ça, tu sais. Il y en a pas de problème, tu sais. Bum, bum, bum. T'sais. Wham, bam, thank you, ma'am. En théorie, à part la pilule contraceptive, les femmes n'ont pas grand-chose à pouvoir faire ou pouvoir dire au ouais. niveau de la contraception. Donc, la réalité, c'est que partout sur la planète, il y a beaucoup de femmes qui sont incapables de négocier des relations sécuritaires. On s'entend, tu décides de coucher avec quelqu'un, que tu sois célibataire ou que tu sois pas célibataire, il y a à un certain point A, le respect, B, la confiance et 3, tu, à un certain point, si tu as des relations sexuelles avec une personne, tu veux te sentir en sécurité. Si tu dois tout le temps jouer sur cette fameuse petite ligne-là à dire « Ouais, mais j'aimerais peut-être mieux porter le condom pendant, mettons, je sais pas moi, 3 mois ou 2 semaines », tu sais, ça dépend ce que vous voulez aussi à la fin. C'est tout le temps très difficile d'avoir ce genre de conversation-là, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes en couple ou que ce soit tout simplement avec la première personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous avez, je sais pas moi, simplement une nuit ou encore 365 autres. C'est difficile d'avoir ces conversations-là lorsqu'on se retrouve dans un lit. Donc, on rappelle qu'il n'y a pas moins de 2/3 des relations sexuelles qui sont à risque dans le monde et qui sont surtout non protégées. Donc, on a développé ce fameux condom invisible-là au Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval. Et on parle de M. Michel G. Bergeron, qui lui est fondateur du centre, avec un de ses collègues qui est M. Omar. Ils se sont donné pour mission de donner aux femmes le le contrôle sur leur propre protection. C'est surtout ça qu'on voulait arriver à faire avec ce condor-là. Ce que je trouve quand même assez bon parce que en tant que femme, que tu sois, tu sais, tu te dis que t'es une femme de pouvoir, que tu pèses en balance, si tu veux pas mettre le condom, sors de chez nous. Ouais. Quand ça t'arrive, c'est assez difficile là, de pouvoir faire sortir n'importe qui de chez vous ou peu importe. Donc, de ce côté-là... Malheureusement, encore une fois, parce que les gars prennent pas la responsabilité. Malheureusement, encore une fois. Donc, de ce côté-là, c'est ça donne peut-être une réassurance au côté, du côté des femmes de pouvoir se dire que le condom invisible pourrait être une solution. Ce rêve-là, il est dans le cœur de plusieurs femmes, il est dans le cœur de plusieurs hommes aussi, parce que, veux, veux pas, lorsque tu te ramasses père, lorsque tu te ramasses grand-père, tu te dis que ta fille ou ta petite-fille, un certain jour, va rencontrer quelqu'un. Donc, tu veux que, c'est, que ta fille ou ta petite-fille ait cette fameuse sécurité, cette fameuse protection et cette fameuse assurance-là en elle pour pouvoir dire « Mon gars, tu me touches pas si t'as pas ton petit bout de latex. » Donc, de ce côté-là, c'est surtout de justement conscientiser les pères, conscientiser les frères, conscientiser les grands-pères même. Il y en a certains qui ont des très belles relations avec leur petite fille. C'est à un moment donné... Pas trop belle, non? Non, on s'entend, ouais, pas trop belle, pas trop rapprochée non plus, mais c'est sûr qu'il faut apprendre aux hommes que lorsqu'on décide de dire à quelqu'un « Non, tu vas mettre un préservatif », c'est pas un choix de réponse. C'est un fait. C'est un fait. Oui. Tu le mets et ça finit là. Mm-hmm. Donc, la santé des femmes a été ignorée pendant beaucoup trop longtemps, selon les chercheurs qui ont développé le condom invisible. Et pour avoir un véritable impact, les chercheurs devraient trouver un moyen de protection qui est facile à utiliser et qui est surtout peu coûteux. Parce qu'on s'entend, la pilule contraceptive, c'est le fun. Le condom, c'est le fun. Il y a combien de gars qui arrivent avec son condom chez vous, madame? Ou, pensez-y. Ouais, c'est souvent plus la fille qui va se garder une boîte de condom chez elle. Ça, c'est pas correct. C'est pas cool. Tout simplement en backup pour se dire, d'après moi, je suis pas certaine qu'il va arriver avec son petit emballage dans son portefeuille. Tu sais, ça arrive souvent. Fait que c'est minimum 15 plus 15 $ pour une boîte de préservatif plus la pilule contraceptive qui est au mois. Là, on s'entend, au mois, votre pilule contraceptive, elle peut aller entre 25 et 45 $ tout dépendant de ce que vous utilisez comme soit pilule contraceptive ou comme moyen de contraception. Ouais. Si c'est l'anneau, ça peut aller jusqu'à 40 $ tout dépendant de vos assurances aussi. Donc, on s'entend que présentement, la personne qui paye le plus pour se faire dire non en bout de compte, c'est la fille. Wow. OK? Donc... Il paye les condoms. J'aurais jamais imaginé que les gars étaient non seulement capables de pas se protéger en général, mais en plus que lorsqu'ils se protègent, c'est même pas eux autres qui paye pour, j'en reviens pas. Ça mais ça arrive quand même assez couramment. Je suis troué, comme disent les trifluviens. Oui, c'est ça. Donc, idéalement, on cherche à ce que le produit contraceptif soit discret pour qu'il puisse être utilisé par la femme sans même que l'homme s'en aperçoive. C'est un petit peu de la cachotterie, mais à un certain point, si c'est ça que ça prend, c'est ça qu'on va se rentrer là. C'est mieux que l'autre façon que de percer un condom pour avoir un enfant sans que le père sache que c'est à cause qu'il y avait un trou dans le condom. Écoute, on savait déjà à la base... pour les chercheurs, que ça allait être un grand défi, que ça allait être un défi qui allait prendre du temps. La réalité, en fait, c'est implacable. Il est beaucoup plus facile de couvrir un pénis que l'ensemble du système reproducteur de la femme. De la fond, on s'entend, là. Un gars, c'est pas trop, trop compliqué de mettre un condom, tandis que de recouvrir tout le système reproducteur de la femme à l'intérieur, c'est quand même assez difficile. C'est comme poser de la tapisserie. C'est comme une superficie qui est pas mal pas la même. On s'entend là-dessus. Donc, il fallait arriver à un produit qui allait être peu coûteux, mais qui allait justement reproduire le système reproducteur de la femme au grand complet, comme on pouvait le faire avec un condom masculin. C'est hautement irrégulier, un système reproducteur de la femme, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça doit surtout épouser les moindres contours de la femme. C'est pourquoi on y a été avec un gel. Et les chercheurs ont tout de suite pensé à quelque chose qui allait être liquide, qui avait l'avantage de se répandre partout où on le verse. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on a inventé... Est-ce que tu manges aussi? Non, pas sûr. On a inventé un polymère liquide à la température de la pièce, mais qui se transforme en gel au contact de la chaleur du corps. Wow! Donc ça, c'est merveilleux. Intelligent. Déjà, en partant, tu peux te... mettre ça avant que monsieur arrive. Okay. Donc, l'idée, en fait, c'est de l'injecter à l'intérieur de la femme. On s'entend, on ne l'injecte pas par la bouche, on l'injecte par le système reproducteur. Uh-huh. Et ça devient un gel qui va bloquer les infections et les spermatozoïdes. On l'a testé au Québec, on l'a testé à plusieurs endroits. Ça marche bien, apparemment. Mais il y a un collègue... Tous dans le flou-flou. Oui, exactement. À plusieurs endroits comme des villes. Oui, oui, dans plusieurs villes. Mais c'est dans la bouche, non? Non, non. Dans l'oreille non plus, ne fonctionnera pas. Mais il y a un collègue d'Afrique du Sud qui les a appelés et qui leur a dit « En Afrique du Sud, ça ne fonctionne pas parce qu'il fait 45 degrés. » Ah, la chaleur est tout le temps et là. Et le liquide se transforme en gel avant d'être utilisé. Oui, ben oui. Donc, on a cette fameuse contrainte-là de voir comment est-ce qu'on va pouvoir adapter ça selon la température où on se trouve. Donc, c'est un applicateur qui est unique. Les chercheurs sont retournés à la planche à dessin. On a essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent pour justement voir les choses un petit peu mieux du côté de la température. Et on a compris qu'on devait travailler avec un gel dès le départ. Donc, on a choisi un gel qui était microbicide, c'est-à-dire qui va tuer les microbes et qui va offrir une barrière à la fois chimique, physique, contre les infections et les spermatozoïdes. Mais comment est-ce qu'il faut appliquer ça partout maintenant que c'est plus du liquide, c'est rendu un gel. T'sais, si on parle, par exemple, de lubrifiant, bien, c'est quand même assez difficile pour une femme de se mettre ça sans qu'elle en ait partout. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut appliquer ça partout, mais dans le système reproducteur, de façon à ce que ce soit un gel déjà à la base? C'est là qu'est venue l'idée d'un applicateur qui est unique au monde. Un petit peu comme un tampon, j'ai le goût de dire. C'est formé d'un tube qui va être criblé de trous sur toute la surface et qu'on va insérer dans le vagin, exactement comme un tampon. C'est le même système de fonctionnement. Et on va pousser un autre tube qui, lui, va être rempli de gel. Et sous pression, le gel va sortir par les trous et c'est là que ça va enrober toute la paroi de la femme et c'est là que ça va venir enrober tout le système reproducteur de la femme. Donc, c'est pour ça qu'on a aimé la recherche de ce fameux moyen de contraception-là. C'est qu'on s'est buté à certains problèmes, on a essayé de trouver des solutions, on est arrivé à des solutions et ils ont travaillé en santé, mais ils se sont quand même donné le droit de penser comme des ingénieurs. Parce qu'à un certain moment... T'as comme pas le choix, là. Tu te dis, c'est pas la même superficie, il va y avoir des courbes là-dedans, c'est pas tous les corps qui sont faits de la même façon en plus. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à quelque chose qui va être unique, mais qui va faire l'affaire pour toutes les femmes? Donc, de ce côté-là, on n'en était pas, bien évidemment, au bout de nos peines. Ça l'a pris 20 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qui va devoir... être connu de tous, j'ai comme l'impression, et les chercheurs ont même vérifié que le gel pouvait résister à l'action d'une relation sexuelle qui va le soumettre à 30 allers-retours d'un phallus artificiel. Donc, on a procédé vraiment à plusieurs recherches, à plusieurs essais. 30? Et présentement, 30 allers-retours. Ah! Ouais. En combien de temps, mettons? Je sais pas, non. Ça le dit pas, mais 30. Ouais. Fait qu'il accuse en 30, puis après ça, c'est fini. Non. Ouais, ben c'est pas... Écoute, on a testé la méthode... Faut commencer à quelque part. Ben, écoute, je pense qu'on s'en va vers une bonne voie, parce qu'on a testé la méthode pas moins de 30 000 fois sur 500 femmes au Québec, au Cameroun, et les chercheurs ont réussi à démontrer que c'était sécuritaire, que ça n'entraînait pas d'effets secondaires. Et il y a un aspect aussi qui est crucial, c'est qu'ils ont également vérifié que tant au Québec qu'en Afrique, les femmes jugeaient ce moyen de contraception-là facile à utiliser. C'est ça qu'on veut. On veut pas que ça soit compliqué. Donc, le gel peut être injecté jusqu'à une heure avant la relation sexuelle. Et tout à l'heure, on parlait d'être un petit peu sneaky, là, pour pas que le gars le sache. Mais si tu peux le mettre jusqu'à une heure avant la relation sexuelle, gros à moi, il sera beau. Donc, et ça se met dans la salle de bain, au pire, je veux dire, tu ne le sauras jamais, même si vous êtes en tête depuis longtemps. Le seul hic, présentement, qu'on trouve, c'est la commercialisation du gel et de l'applicateur. Il faut maintenant démontrer l'efficacité sur une population qui est très large et pour que chaque infection transmise sexuellement soit protégée par ça. Donc, c'est, pour l'instant, il n'y a aucun partenaire du secteur pharmaceutique qui a accepté d'avancer des millions qui étaient nécessaires pour justement lancer une étude comme celle-là. Je pense qu'avec la sortie qui est quand même assez grande de plusieurs médias au niveau de ce fameux condom invisible-là, ça va se faire. Du moins, j'espère que ça va se faire parce que les études ont eu une efficacité. Et en un mot, c'est comme la révolution, en fait, du moyen de contraception, ce fameux petit gel-là. On en veut tous. En tout cas, moi, je vais faire la ligue en pharmacie pour aller me chercher ça. J'ai hâte de voir comment ils vont annoncer ça. Genre, les filles, le gars veut vous violer, c'est pas grave, vous êtes protégées. Comment tu veux vendre ça? T'sais, il faut quand même que tu te l'injectes. Là. Tu t'injectes pas ça 3 heures avant d'aller veiller, on s'entend. Parle peu, as-tu vu, il y a une affiche sur le babillard à côté au pavillon des Rébeaux-Chemins. C'est genre un verre d'alcool avec, j'imagine, quelqu'un qui met du GHB. Oui. Et là, ça dit genre... Vous n'aurez pas à chercher de mauvaises excuses. Oui, et genre le slogan... Garde tes mains dans tes poches. Non, à côté, à gauche de ça. C'est avec un verre dessus. Ah! Ça dit genre... faites... soyez vigilant, blablabla. Okay. Mais là, c'est barré le mot vigilant, genre, puis ça marque soyez bénévolant, comme dans genre, à la place de mettre l'accusation sur la personne qui devrait faire attention à ce qu'elle boit, ouais, c'est plus à la personne qui veut mettre de la drogue en disant genre fais-le pas. Tu comprends? On vire de bord le principe. Mais en le barrant au stylo feutre. C'est quand même correct. Oui, c'est parfait. C'est le message qu'il faut passer. C'est mal rapporté par moi en nombre, mais regardez l'affiche. Mais là, je suis pas sûr si c'était une mauvaise affiche ou une bonne affiche à tes yeux. Mais c'est une bonne affiche, mais en même temps, de l'autre côté, les drogues vont de toute façon être mises dans le verre parce que les gens qui mettent des drogues dans les verres n'ont pas de conscience, on se le dit. On s'entend, pour mettre de la drogue dans un verre, t'es vraiment stupide. T'as beau leur dire de pas faire ça, ils vont le faire pareil, fait qu'aussi bien être aussi vigilant. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Puis, on tient à rappeler aussi que c'est justement de se protéger pour les femmes comme pour les hommes. Parce que si une femme met ça, on s'entend, et si jamais elle a une ITS, qu'elle met ça, bien, elle vous la transmet pas. Mm. Et présentement, en 2017, il y a tellement peu de moyens de savoir, de symptômes, de savoir que vous avez une ITS, que c'est fort possible que la plupart des gens qui ont des relations sexuelles non protégées en aient une, tout dépend pendant le nombre, bien évidemment, de partenaires sexuels que vous avez. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est de se protéger de façon discrète, parce que c'est sûr, on l'a tous déjà eu, cette conversation-là, à se dire, non, mais là, tu vas mettre un condom? Non, mais là, c'est parce que ça me tente pas. C'est pas une question! C'est pas une question! Vraiment? OK? Hey. Tu te mets ça sur le bout ou t'as rien, pas tout. C'est pas de bas, pas de chocolat. C'est ça, hein? Exactement. Bon. Donc, tu sais, c'est sûr, si vous développez une relation qui, tu sais, on s'entend rendu à 30 ans, vous vous dites que vous voulez avoir des enfants, c'est différent. Si vous êtes en couple, c'est différent. Mais au niveau de l'université, au niveau du cégep, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont au secondaire, beaucoup plus de jeunes qui sont au secondaire, qui perdent leur fameuse virginité-là. La façon d'être discrète pour ces jeunes filles-là, c'est peut-être un des meilleurs moyens de se protéger que de tout simplement dire à un gars « Ben, faudrait peut-être que tu mettes un condom parce que je prends pas la pilule. Mm-hmm. » Donc, au moins, avec ce système-là, c'est protégé de façon discrète et elle n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, ce qui devrait quand même avoir une confiance en elle meilleure. Voilà. Bien dit, Tania. Félicitations. Félicitations. Ta plus longue chronique jusqu'à maintenant, mais très intéressante. C'est fou, hein? Ouais, 36 minutes. Moi aussi, je trouvais que j'avais beaucoup de bave d'âme. C'était plus une chronique, c'est une émission. C'est... ouais. Bref, merci, Tania. Ça fait plaisir. Tania is gonna enjoy Tania tous les matins de semaine à Assemblage Requis. On prend une pause et au retour, Alfalfa le lutin va être là. Espérons-le. Si la neige... ouais, parce qu'à date, d'habitude, il est déjà arrivé à cette heure-ci. C'est vrai. On verra. Restez là. Visitez cifou.ca. toujours à Assemblage Rocky en ce mercredi 8 février 2017 à l'Étalia Bonin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va parler de la huître avec Xavier Méclich qui est déjà avec nous. Allô? Déjà ouais. Il commence à parler avant même que j'ai allumé son micro tellement qu'il est pressé. Je sais pas, je m'entends. Super actif un peu. T'entends-tu? Là, je m'entends, bravo. OK. Good. Donc, c'est au retour. On va parler de l'huître dans quelques instants. Mais avant ça, c'est le moment de se renseigner sur ce qui se passe sur le campus universitaire. Pas déneigé. Ouais, pas déneigé, on s'est rappelé. Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Innovation et développement économique de Trois-Rivières lance le concours Vise dans le mille. Ce concours permettra à un projet d'entreprise la possibilité de gagner une bourse de démarrage. Trois catégories sont disponibles, idée d'affaires, pré-démarrage et nouvelle entreprise. Pour plus de détails, allez sur visedanslemille.com. La période d'inscription se termine le 23 février. Notons que l'UQTR collabore au projet. Vous souhaitez faire connaître votre projet de maîtrise ou de doctorat? L'AGE-UQTR organise le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. L'événement aura lieu le 26 mars prochain. Une bourse de 200 $ sera remise au projet sélectionné. Pour soumettre le vôtre, il faut envoyer un résumé de 250 mots avant le 19 février 23h59 à cyclesup.age@commercialuqtr.ca. Les 22 et 23 mars prochains aura lieu le concours d'affiches scientifiques de l'UQTR. Ce concours est ouvert aux étudiants de tous les cycles. Pour vous inscrire, il faut aller au uqtr.ca/affiches au pluriel et la date limite d'inscription est le 27 février à 23h59. Le poste de la vice-présidence aux finances et développement de l'AGE-UQTR est ouvert. Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae et lettre de motivation d'ici le jeudi 9 février à 17h au local 10, 22 ou 10-23 du pavillon de la vie étudiante. L'élection aura lieu le dimanche 12 février dès 17h au 2083 pavillon Ringuet. Le 23 janvier dernier, la délégation de génie industriel de l'UQTR s'est démarquée lors du congrès annuel de l'Institute of Industrial and System Engineers. Elle a remporté 3 podiums, dont une première place pour l'épreuve études de cas. Nos félicitations aux gagnants et gagnantes. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. La capsule Info Campus qui est écrite comme toujours par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lui par Tania Baudin, ici présente, qui fait des bonjours à la caméra. Hein? Oui, exactement. Il y a une caméra. Ben oui, caméra 3, on est diffusé en Asie. En Chine, moi, c'est en ça. En Chine. Mais Tania, bizarre, a fait des saluts, mais pas devant son micro. Comment est-ce que tu veux que la caméra entende ton bye-bye? Ah, je suis désolée, et voilà. Bon, voilà. C'est fait. Caroline, qu'elle ne suit pas. Non, je sais. Mais là, c'est le sexe. Ça. Ben ouais. Grosse soirée hier soir. Hey, salut, Xavier Méclich, ça va bien? T'en as parlé pendant c'est la minutes. Seule, c'est la seule personne qui a dû se faire dégivrer les fenêtres de sa voiture un matin. Elle est arrivée dans son char, elle a peut-être été dégivrée. Comprends pas pourquoi. La fille parle de sexe pendant 36 minutes, puis après ça, faudrait pas qu'on fasse référence au fait. Hein? Au fait que. Ah, mais y'a pas personne qui a dit que je parlais de ma vie sexuelle. Y'a personne qui parle de sexe. Je parlais de moyens mais... de contraception. T'en as jamais eu, c'est pour en parler, il faudrait en avoir une. Ben, c'est ça. Donc, si elle a pas j'en dit. J'en ai une, mais on ne peut pas vous en dire. Oh, donc elle assume. Elle l'a avoué. Bref. Ok, c'est assez, là. La voix que vous avez entendue, c'est celle de Xavier Méclich. Ben oui. C'est dans les coulisses de la huître. Xavier Méclich qui est avec nous en studio pour parler de ce match de lundi. En passant, Xavier qui n'était pas là pour la deuxième partie du match. Ben non, j'ai eu une urgence, on va dire ça. Ben oui, ça. Ben c'est ça, on va dire une urgence, même si c'est une urgence. Mais c'est pas grave, tu sais. Ben, j'ai c'est eu une urgence, j'ai eu. Une urgence, c'est une urgence. C'est ça. Donc je passe. Tu à la salle de bain? Oh! Non, ça dure pas 6 impro. Est-ce que t'as 30 va-et-vient, je pense? Ah là, fallait être là pour la précédente chronique. Ouais, là, pour exactement. Ceux qui étaient pas là. Mais donc, il l'a entendu, oui. Il nous en a parlé. Je te passe le pad pour la première partie du match, ça te va? Ben oui, ça me va. Match entre les verts et les oranges hier. Moi, je dirais, à ce match, à la date d'approche de la limite de transaction, on a eu droit à une transaction de la huître. Oh, OK. Quelle sorte de transaction? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je comprends. Ben oui, ben oui, oui. On a un joueur des Verts qui a joué pour les Oranges. Il y avait 3 personnes dans les Oranges qui étaient malades. Jocelyn Garneau était malade, Marc-André Marion Flamand était malade. Et le capitaine Alexandre Marchand. Alexandre Marchand des Oranges était malade aussi. Donc Samuel Fortin des Verts a dû jouer le sub des Oranges parce que lui, il est sub pour les Verts d'habitude. Okay. Donc, au lieu de jouer pour les les verts. Il a joué pour les oranges. Il a affronté sa propre équipe. Et tout le long du match, ce qui me faisait plus rire, c'est que les verts. Eh oui, j'ai. Les verts disaient toujours, on l'a pas élevé comme ça. Ouais, c'est ça. Ah. Parce qu'ils sont habitués de jouer avec lui, mais là, les oranges sont moins habitués parce que d'habitude, ils jouent seulement des comparés ensemble. Et en plus, c'est un sub, donc il joue pas super souvent. Mais pour vrai, le gars, il a la face. Samuel Fortin, c'est un gars d'impro depuis toujours au CGM. Et là, je veux annoncer en onde officiellement. Il veut pas, il voudra pas que je le fasse, mais je le fais. Il a été accepté à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. Allez, Samuel Fortin, félicitations. Félicitations, bravo. Il était accepté, mais il y a un magazine d'autres, je pense, hein. Ça se peut-tu? Ben, c'est sûr que le Saint-Hyacinthe, c'est un cégep. Non, mais Saint-Hyacinthe, on va expliquer un peu le concept pour les auditeurs, c'est un cégep. Oui. Ouais. Alors que le conservatoire, c'est plus comme un conservatoire. C'est au-dessus. Fait que c'est sûr que si t'es accepté au conservatoire de Québec, il va plus de chances. Oui. Fuck aller là. C'est ça, exact. Bon, lui fait bonne chance quand même dans son parcours. Il est vraiment bon pour voir Samuel Fortin. Il est à voir absolument. Et c'est dommage qu'il soit juste sub, fait qu'on le voit moins souvent. Hein? Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il aussi il joue à la Lille, si vous voulez aller le voir. Oui. La Louisville. Et exact. Il fait aussi beaucoup de théâtre pour le TNC, entre autres. Le théâtre des nouveaux compagnons à Trois-Rivières. Oui. Donc, le match entre les Verts et les Oranges, commençons par le commencement. Les fusillades. Oui, fusillades. Et le dit Mongrain qui était l'arbitre invité. Voilà, un autre échange qui s'est passé. D'autres malades. Katia F. Côté pouvait pas virer Gagné pouvait pas aller entendre la carte. Écoute, quand on est rendu à prendre du vieux stock d'arbitres, là. Du monde de la lime. On sait plus quoi en. Non. Elle a dit mon gré, très beau spectacle qu'elle a donné. Et là, on commence donc avec des fusillades que les joueurs se sont imposés physiques. Hein? Ouais. Tous les joueurs ont commencé collés d'une façon ou d'une autre. Et on a genre le droit Samuel Fortin et avec qui était Avec Marc Lachance. Né à nez. Et le thème était virus. Donc, il se toussait d'en face. Puis se montrait à Beden, je sais pas trop quoi. C'était... Il y a eu beaucoup d'nudité, de gags de pénis lundi. Vraiment beaucoup de gags de pénis, on va se le dire. Hey, en ce moment, je fais un live Facebook et j'ai une auditrice d'Autriche. Ah, nice, salut Autriche. Bonjour Autriche. Voilà. Donc, tu peux aller sur cifou.ca. Ah, pas trop français, mais c'est pas grave. You can go on cifou.ca. That's ça. La deuxième improvisation était... La lecture de Frédéric Simon est pas toujours lisible. Non, là. C'est arrière quelque chose. Skip ce que tu comprends pas. Et voilà, on skip. Après ça, c'était l'impro du TNM, mais c'était des blagues. Donc, des blagues présentées par le TNM, qui est le théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Donc, des jokes présentés à gros, gros budget. C'est la spécialité de Lady Mongrain. À chaque match qu'elle fait comme arbitre, elle doit faire le TNM présente une blague comme pète pis répète, mais fait avec du grand budget puis des grands décors et de l'action et des grands textes. Et les Verts ont présenté la blague plus que les préliminaires longs, plus que la chatte est mouillée. La chatte est mouillée, oui. Et c'était vraiment une c'était genre, je sais pas, mettons... Théâtre qui revient tout le temps. Donc, si la mouche se pose sur l'eau et que la truite mange la mouche, que l'ours tape la truite, que le chasseur tire sur l'ours, que son sandwich tombe de sa poche, que le chat... L'écureuil mange le sandwich et que la chatte tombe à l'eau. Là, mais ils ont fait comment? Qui reste? Ben c'est non, ça, non, mais non. Ça, c'était étape par étape, étape un peu comme... Donc, la mouche, ils ont présenté la mouche. Ils ont présenté la mouche qui est mangée par le saumon. Ils ont présenté le saumon, et ainsi de suite. Et tout ça en 2 minutes et demie. C'est pas une truite? Ouais. Parce que peu importe saumon, truite, tant que c'est un poisson. C'est pas la même chose. Ben, on va se dire, Francis Dugré-Lampron, c'est une blague. En tout cas, je crois que c'est une blague qu'il a déjà racontée avant. Oui, j'ai entendu à l'interne d'une joke, une bière et cryologique. Bon, tu vois. Donc, le gars, il était habitué à faire cette blague-là, mais là, de la faire devant le public, c'était beaucoup de pression. Et en 2 minutes 30. En 2 minutes 30, il y avait beaucoup de pression et il a réussi, à part un petit enfargement, c'était parfait. Il a gagné le point, clairement. Oui, c'était. Bon. Et on n'a pas entendu finalement la blague d'Orange parce qu'ils ont manqué de temps. Oui, ah, ça, c'est chiant. Et il a dit, mon gré, les règles, c'est important pour elle. Et si on te donne 2 minutes 30, tu fais 2 minutes 30. Non, tu peux pas dépasser de 2 minutes 33. T'es assez... Et là, on arrivait au punch. Là. Le punch était devant nous. Était à 3-4 secondes. Ouais, à 3-4 secondes. Elle a sifflé. Elle a fait gagner les verts en faisant ça parce qu'on n'a pas eu le gag. Et après ça, elle a demandé aux oranges, c'était quoi votre gag? Et je l'ai pas plus ri. Mais tu m'excuses pour les oranges. C'était quoi le gag? Tu t'en rappelles-tu? Non. C'était absurde. Ouais, quelque chose d'absurde. Bref. Ben, c'était la grandeur d'Alexandre Marchand. Exactement. Voilà. Après ça, on est allé avec l'impro de... Oh my God, Steve! Oh my God! Qui était le thème. Ouais. OK. Avec cette intonation-là. Et Steve, comment dire, c'était juste un gars qui faisait absolument rien puis il devait tout faire. Ben, c'était dans un appartement. Mettons, il fallait qu'il fasse la vaisselle. Paye la pizza des autres. Ouais. Ah, OK. Puis tout ça. Puis à un moment donné, le gars se fâche parce que tout le monde est contre lui. Puis là, fait comme Steve, calme tes nerfs, tu sais. Alors que tout a pris de l'ampleur pendant toute l'improvisation. Puis à un moment donné, ben, il tire dans le plancher. Puis là, ben, le voisin arrive d'en bas. Puis il dit, là, t'as tiré une balle dans mon appartement. Là, le gars, il se fâche, en tout cas, c'était vraiment. Ouais, le gars d'en bas, il dit ouais, il va falloir que tu rembourses ma TV, pas genre lâche ton gun. Pas okay. Lâche ton gun. C'est, ben, c'est normal qu'il y avait un mais gun. Oui, mais oui, parce que tout le monde. Il y a des impôts comme ça où tout doit être normal. Ouais. Et tout ne doit pas être normal. Rien ne lâche. Il devait venir de Laval. Ouais. De là-haut. Bon, excellent. Je m'excuse aux gens de Laval. Oui, j'espère. En tout cas, moi, j'ai toujours. Au Mumba. J'ai dit quelque chose que je dirais pas en nombre. Bon, tout le monde le fait, donc quelque chose que tout le monde fait qui devait être. Qui devait être amené. Genre ouais. Se brosser les dents. Ouais. Mais drôle. Mais drôle. Okay. Donc, c'est. En improvisation, Tania, tout le temps que ce soit drôle. Mais pas nécessairement drôle. Ça aurait pas été super dramatique. Comprends-tu pourquoi je fais pas d'improvisation, Mais ça aurait pas été super dramatique. Ça aurait pu être. C'est quelque chose de quand même sensé. Mais finalement, les Oranges ont remporté cette improvisation-là avec. Une petite niaiserie, là, quelque chose que tout le monde faisait littéralement. Je pense que c'était comme avoir des enfants ou quelque chose comme ça. Là, ça ah oui, vraiment... tout le monde fait ça, ouais, avoir des ça, enfants. Non, c'était super simple ouais. Comme improvisation. Par la suite, on a l'idée du siècle qui là, ça va tomber dans ton panneau à toi parce que ça. Une pointe avec son crayon vert, ouais, en pense. Comme ça. Ouais. Donc, ça va tomber à toi parce que la deuxième. Ah, c'est OK, je comprends ce que tu veux dire. Je n'étais pas présent dans mon petit urgence. Donc, exécution, je me rappelle qu'il y a eu une improvisation d'exécution. Attends, il y a eu une impro là-dedans où Samuel Fortin s'est baissé les culottes. Je me rappelle pas c'est si c'est donc bien osé. Première... Oui. Et là, je voulais dire quelque chose à tous les jeunes improvisateurs qui peuvent écouter. Ne baissez pas vos culottes. Il y a deux choses qu'on stage. Ne fait pas en impro. Baisser ses culottes. Moi, Samuel Fortin, je te respecte parce que tu vas à l'école de Saint-Hyacinthe. Oui, bravo. C'était peut-être pas le... Ben, Alex le Marchand, move à faire. Alex Marchand vient de, c'est ça, exactement. Venait de se mettre en chest oui. Sans qu'on lui demande. D'habitude, à l'impro, le public encourage les chests. Hein? Okay. Là, personne n'y a demandé, il a juste enlevé son chandail. C'est l'impro. Non, mais il était. Non, c'est ça, c'est l'impro que tout le monde fait. C'est l'impro que tout le monde fait. C'est ça. Ouais. Si tout le monde fait ça, laver un bain. C'est ça qu'il faisait. Ah oui, je comprends. Voilà. Oui. Tout le monde fait ça, et là, c'est normal d'enlever son chandail pour... et ses pantalons pour laver un bain. Parce qu'on se couche dedans, puis pour pas être mouillé. Donc, c'était ça, là, l'impro. J'étais pas vous lavez votre bain en. Mais non, mais c'est non, ça l'idée, non, c'est pas normal. Okay, c'est okay, pas normal, okay. Mais lui, il convainc Samuel Fortin que c'est normal. Donc, Samuel Fortin descend finalement ses culottes. Pas convaincu de cette technique-là, et pas convaincu d'avoir baissé ses culottes sur une improvisation. Ouais. Mais c'était. Foutrement drôle. Il n'a pas sorti de chez lui depuis, non? C'est ça. Mais non, on l'a vu hier, là. Moi, je l'ai vu hier. Il y en a pris une pour l'équipe. Oui, il y en a pour pris une. Rire. Mais il y en a pris une pour contre son équipe aussi. Ah, parce qu'il y a eu une pénalité à cause non, de non, ça. Non, parce qu'il est vert en tant que tel. Et voilà, et là, il joue les roches. Moi, j'étais. Il a donné un point orange. Il y en a qui parlaient d'une manigance aussi. Ouais. Peut-être qu'en deuxième demi, Samuel Fortin allait revenir. Moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit, ouais. Je me rappelle d'avoir dit qu'il allait saboter l'équipe des oranges parce qu'en tant que tel, c'est pas son équipe. Ben, c'est pas arrivé vraiment. Non, c'est pas arrivé. Il a vraiment joué un beau match. Absolument. Donc, la deuxième partie, exécution, où il y a eu exécution, il y a eu une guillotine. C'était quand même le fun d'avoir comme plusieurs guillotines de suite, dont la blonde du gars qui, dans le fond, avait rien fait pour mériter cette exécution-là. Ensuite, l'impro littéraire, qui a lieu à tous les débuts de deuxième période. Espoir de notre enfance, ça ne nous a absolument rien. Une impro dont vous êtes le héros, et le dit qui a encore amené le principe où le public doit choisir entre deux fins, soit la fin que tu t'attends qui arrive dans l'impro où on est rendu, ou encore quelque chose de complètement absurde. Dans ces impros-là, moi, il y a une version qu'on fait, mettons, plus québécoise, Québec, là. C'est donc vous êtes le héros, mais sur chaque action. Donc, on est trois joueurs par équipe et on choisit le personnage. Moi, elle arrête l'impro et elle dit, mettons, aux deux personnages en bas de banque qui se lèvent. Qu'est-ce qu'il se passe au personnage? Il rencontre un triceratops ou il mange une meule de fromage. Et là, le public choisit et c'est le nouveau joueur qui vient faire l'action. Ouais. Ça, c'était c'est un style, c'est mais. Un style, mais là, c'était quoi? Là, c'était le principe normal, standard, où c'est Élodie qui demande. Mais c'est ça, je comprends pas, c'est quoi le standard? Ben, moi, je trouve que c'est plus ça, okay. Le standard dont vous êtes le héros, c'est le public qui décide entre ce que Élodie choisit. Donc, elle offre deux options. L'option que tu t'attends à voir ou une option absurde. À plusieurs moments dans l'impro. À plusieurs moments où c'est okay, donc c'est, au lieu que ce soit des joueurs, c'est Élodie même. C'est exactement ça. Ah, voilà. C'est un autre twist de ce même principe. Oui, oui. À la pointe de mon canif était le titre de l'impro suivante et le Pimp mon thème où elle propose une phrase très très très très longue et les joueurs dans les équipes ont choisi une portion de ça. J'adore ça, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, incroyable. Très le fun, Elodie Mongrain est toujours forte là-dessus. Elle ramène ses idées qui sont très gagnantes, donc pourquoi chercher plus loin que ses idées gagnantes? J'apprécie beaucoup Elodie Mongrain comme arbitre et ça me manque qu'elle soit plus là cette année en permanence, mais bon. Mais là, tout ça finit comment? Ça finit avec un pointage de 8-7 pour les Verts. Donc, l'équipe d'origine de Samuel Fortin a gagné. Oui. Donc, il n'a pas réussi à faire passer la balance. Voilà. Les étoiles du match, je crois que c'est sur mon autre feuille. Il y a eu, de mémoire... Alex Marchand des Oranges. Oui, Francis. Francis Grenant prend les verts. Céline de Diecote a été l'étoile de l'arbitre. Donc 8 à 7 pour ce match. Voilà qui est dit. Et le prochain sera lundi à 20h. Oui, attendez, là, c'est un aller-retour un peu comme au soccer là, avec l'Impact ou peu importe l'équipe. Oui. Donc lundi, ce sera ici à la Chasse-Galerie, la Luître contre la Lime. Et mardi, à la Maison de la Culture, la Lime va visiter la Luître. Deux matchs des Ligues de Trois-Rivières. Venez nous voir. C'est sûr que, si je ne m'abuse, le spectacle à la Chasse-Galerie est gratuit. Oui, exactement. Et le spectacle à la Maison de la Culture est payant. C'est ça, mais c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. 6,50 pour les étudiants, je crois. Donc, venez nous voir quand même. Et les noms sont sortis, hein, as-tu vu? Oui. C'est le temps que je me rende sur la page. Ben oui, pour la Lime, joueront Simon Bellerose-Veilleux. Et quand? Max, comment? Quand, lundi ou mardi? Ben, c'est pas les mêmes joueurs qui jouent les retours. Moi, j'ai le match de lundi en ce moment. Excellent. Okay. Donc, lundi pour la Lime, Simon Bellerose-Veilleux, Maxime Tanguay, anciennement arbitre, oui. Alex Drouin, qui est dans tous les matchs spéciaux que j'ai vus à date, Élodie Mongrain, justement, Cathy F. Côté, notre arbitre de cette année. Pour la Luître, lundi, joueront le capitaine Samuel Fortin, mais oui. Magali Brousseau-Arcan, Marc-André Fortin, Jolie Gaillon-Pellerin et Alexandre Marchand, le capitaine Alexandre, des Oranges. Okay, le capitaine des Oranges. L'arbitre sera Tommy Joubert, je ne l'ai jamais vu. Tommy Joubert. Sinon, est-ce qu'on a le listing pour le match de mardi? Oui, sur l'événement de la Lime. Exactement. Bonjour à Monsieur Forget en Italie. Félicitations sur le Facebook Live de Xavier McLeish. Donc, pour la Lime, mardi joueront Pascal Chelette-Janson, Lescaut Villeneuve, Louis-Étienne, qui est aussi coach pour la Luître des fois, Véronique Gagné, qui est arbitre pour nous, Laurence Gilna et Henri Morissette. Joueront pour la Luître la capitaine Alexandrine Pichessir, c'est quand même cool pour elle, Céline de Diecote, Vincent Réville, capitaine des Bleus, Jonathan Picard et Marc Lachance, capitaine des Verts. Et ça, comme on l'a dit tantôt, on appelle ça une petite équipe boostée. Pas pire, hein? Pour les deux matchs, ça va être du talent pur. C'est sûr que, tu sais, je joue pas, là. Non. Mais non, c'est pas grave. T'organises plein d'événements autour de ça, on en parlera. On en parlera. N'oubliez pas, l'événement Mathieu Plante s'en vient à grands pas le 20 février. Un speed dating, si vous rencontrez tous les joueurs de la Luître, et leur parler. On en parlera sûrement à la chronique de mercredi prochain. Oui. Donc, celui de mardi, comme on l'a dit, c'est 5$ pour les étudiants, 7$ pour l'admission générale, avec 15% de rabais sur votre consommation à autant d'une pinte si vous gardez votre billet de spectacle. Donc, c'est mardi. Et lundi, c'est à la Chasse-Galerie 20h, et c'est moi qui vais animer, bien sûr, en compagnie de Frédéric Simon. Mais oui, Fred. C'est lundi et mardi 20h. Donc lundi à la Chasse-Galerie et mardi à la Maison de la Culture. Au plaisir de vous y voir. Absolument. Voilà, on a fait le tour de la Luître. On a fait ça plus vite que d'habitude aujourd'hui parce que, Caroline, le temps file, l'émission est courte. Et on va transitionner sans aucune subtilité du tout. J'aime pas ça des fois, la subtilité. J'aime ça comme y aller avec un collaborateur qu'on a qui est dans le corridor puis qui attend tout le temps. Il attend son moment. Pas de sa faute, hein? C'est tout le temps Xavier qui prend trop de temps. Je sais, mais Xavier... Là, je m'excuse. Ah, ben, Xavier, on a d'autres invités. Ouais, ouais. On a Alfalfa le lutin! Allô! Allô, laissez-moi m'asseoir au moins. Ouais, oui, prends ta place. Okay. Ah. Il y a juste besoin d'une petite chaise, c'est ça qui est le fun. Une petite chaise dans le studio qui est juste pour lui, parce que sinon le micro est comme trop haut. Ben là, faut qu'il l'ajuste un petit peu, là, puis après ça, il peut faire sa chronique. C'est comme dans les gars-là, quand tu vois les petites madames baisser leur micro. Puis, pareil. OK. Donc là, la semaine passée, vous avez présenté deux jeux, SMS ou Camisado. Camisado. Et là, je les ai mis les deux sur ma page Facebook, et je vous présente maintenant SMS, parce que j'ai présenté Camisado. SMS, c'est Tania qui a choisi qu'on allait parler de SMS. Donc, SMS, c'est un jeu qui est super simple, les amis. Donc, c'est un jeu pour les enfants environ de 10 ans et plus. C'est un jeu qui est... chacun a une petite tablette. On est en équipe de deux. Une fausse petite tablette de plastique ou... Ou comme, un tableau blanc. Ah, okay. Avec un crayon. Les jeux l'appellent ça une tablette parce qu'ils pensent que c'est comme un iPad, mais sans l'électronique. Non, mais ça a la forme. Okay. Si vous allez voir sur ma page, vous allez voir, ça a vraiment la forme d'un cellulaire. OK. Et là, on doit... le jeu va donner un mot à écrire et on doit l'écrire avec le moins de lignes possible. Donc, exemple, j'ai mal aux pieds. Mm-hmm. Peut s'écrire M-A-L pour mal, O avec un chapeau. Ouais. P-I-D, mal au pied, comme d'un seul bout. Et c'est l'équipe qui réussit à l'écrire avec le moins de caractères. C'est bon! Donc, c'est comme défaire le français que tout le monde a appris dans un seul jeu. C'est ça, ça va défaire complètement le système de l'éducation au Québec. C'est voilà, parfait. En parlant à la message texte. Et voilà. Donc, le but de tout ça, c'est de faire le plus de points possible. Et à chaque fois qu'on réussit de le faire avec le moins de caractères, on gagne un point. C'est un jeu qui se fait sur une partie normalement de 10 points, qu'ils vont dire. Mais nous, on peut jouer plus ou moins. Ça dépend de comment que nous, on le pense, comment qu'on veut le faire. Donc, SMS, ce jeu-là, il se vend en ligne. Il est très, très, très, très difficile à trouver par le temps qui court. Je pense qu'il y a trop populaire? Ouais, il y a une explosion des ventes en ce moment. Puis il y a comme une diminution aussi de production parce que le temps des fêtes est passé. Ouais. Est-ce que SMS veut dire quelque chose? Est-ce que c'est un acronyme pour Super Méga 5? Je ne sais pas pourquoi il l'appelle SMS. Mais ça va être en cause de la référence des. Au message texte, bien. Du fait que le monde écrive mal. Ben et voilà. Et. Mon préféré, ça a été de trouver le mot Tetris. Mais la personne avait juste fait les pièces. Ben oui, du jeu. Donc ben en trois caractères. C'est comme un fais-moi un dessin, t'as le droit de dessiner des choses qui sont pas des caractères. C'est le caractère. Okay. C'est un caractère. Donc si c'est un L pour la pièce, après c'est un petit T. T'aurais pas l'air de dessiner des blocs. Non, il faut que ce soit des caractères. Donc le L est un caractère, le T est un caractère. Donc ça faisait les pièces c'est du difficile. Jeu. Ouais. Vraiment. Je pense que TT. RS aurait été mieux. TTRS? Tetris. Ouais, le but, c'est que tu sois le plus court. Fait que là, faut que tu. Qui va battre ça? Qui va battre ça? Donc, tu dis, moi, je le fais en temps de caractère. Moi, je le fais en temps. Et... Ah, tu peux miser comme ça oui. et dire. Tu peux jouer à plein de façons. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment. T'inventes tes règles. Ben oui, mais il y a des règles de base dans le jeu, là, quand même. Mais nous, on y joue avec des règles qu'on est capable de s'y adapter nous-mêmes, là. Mm-hmm. Exemple, on peut jouer comme un peu, vous faites aux cartes, là. Moi, je suis capable de le faire en trois caractères et il va être capable de le deviner. Et là, tu y montres et là, il dit c'est quoi la phrase. Mm-hmm. Et sinon, on monte jusqu'à ce que la première personne l'aille. Ouais. Donc ça, c'est SMS. C'est cool. Ça a l'air le fun, SMS. Oui, ça a l'air très le fun. Mais c'est difficile à trouver, c'est dommage. Oui, faut magasiner un peu. Magasiner un petit peu, c'est sûr qu'il y a quelques sites en ligne qui sont capables de vous l'offrir. Sinon, des magasins de jouets là, qui doivent l'avoir, vous pouvez le demander en précommande. Ah, ben oui. Il y a plein de magasins qui font ça. Là, vous dites, je veux ce jeu-là, puis ils vous le font venir. Tout à fait. Bonne et idée. Voilà. Est-ce que on boit en jouant à ça pour encore mieux mal écrire? ben c'est sûr, tu sais. Moi j'ai découvert quelque chose là, ben ça fait longtemps que j'ai comme découvert ça, mais plus ça s'appelle le Kraken. Est-ce que vous connaissez c'est quoi? Non. Qui est un rhum noir. Comment? T'as dit quoi à la pieuvre? Oui, parce que dessus c'est une pieuvre. Ok, phew. Parce que ça me rappelle un gag de pieuvre que t'as vu sur Nerd City tantôt, c'est ça? C'était quoi? Ah oui, il sort là, ça. Non, je l'ai plus. Non, mais c'était genre, attends. C'était, je voudrais être une pieuvre pour pouvoir te toucher de chacune de mes tentacules, c'est ça? Ok. C'est bien ça. Okay. C'est les messages les plus romantiques. Ouais, ça se retrouvait dans les 50 sextos les plus utilisés. Parce qu'on parlait de SMS, pas chaud de dire. Oh là là. Ah, excuse-moi, Alfalfa. Là. Donc, du Kraken, qui est un rhum noir qui se vend à la SAC, qui est un rhum très, très bon, mais il y a une seule contrainte avec le Kraken. Oh, c'est quoi? Et là, c'est écrit même sur leur site à eux. Si tu bois trop de Kraken... Tu deviens accro. Non, non. Et que tu dois, comment dire, vomir... Régurgiter. Tu dois crier avant... Can reach the Kraken et tout le monde doit se coucher. Ah, oh, wow, c'est comme un hold-up. Ah, je savais pas ça. Et ça peut arriver quand même dans des drôles de situations. Moi, j'imagine en tout cas. Ben oui, mais et là... t'imagines où ça t'était arrivé? Non, j'imagine. Ça m'est jamais arrivé, moi. Ça. Jamais. Okay. Parce que les lutins. Les lutins, ils sont pas malades? Non, jamais. OK. Ils n'ont pas le droit d'être malades, là. Ah, qu'est-ce que le Père Noël dirait? Ben non, le Père Noël, il capoterait, hein. T'sais. Ben là, c'est ça. Fait que là, ça me fait rire. Fait que juste d'entendre crier plein de monde can reach the Kraken quand il le régurgite, ça me ferait beaucoup rire. Et j'adore le concept de la bouteille qui est vraiment de l'encre, concept d'encre de Kraken, la pieuvre. Est-ce que t'as entendu jouer ta pub, Alfalfa le lutin? J'ai une pub! Ah, mais je l'ai pas coupée. J'ai juste les blocs montés. Je sais pas où. Ah, ben on peut chercher, grave. Mais ça serait long. Long. 14. Bloc 14, est-ce que ce sera au début, tu penses? À la fin. À la fin, oh boy. Là, oh mon Dieu, on a une pro, là. Oui. Comme une pro qui est... C'est comme si c'était elle qui plaçait les pubs dans les CD, tu sais. Mais il va falloir, parce que j'ai pas la pub à du vide, il va falloir avancer. OK, attends un petit peu, je vais avancer un petit peu, OK? J'avance. Fait que là, moi, dans le fond, comment... J'avais pris plein de mes mots, comme dans les montages, je l'avais fait ouais, un ouais, peu de l'échec. Ouais, ouais, ouais, c'était là, faut reculer un peu. On va y arriver, Les boutons de rewind sont vraiment nuls. Okay, heureusement, on arrive. Il y a Allo Prof. Ouais, bon, oui, ok, on est rendu. Bonjour, c'est Alfalfa le lutin. Les mercredis matins, entre 7h30 et 9h30. Et je vous présente des jeux de société et un petit peu d'alcool. Le Père Noël serait pas content. Soyez-y les mercredis à Assemblage Requis. Hein? Oh, c'est bon! C'est beau, hein? C'est bon, hein? Il y a beaucoup de... Ça, c'est comme l'équivalent de comme... Je pense... On a dû le taper comme moi 7-8 fois, là, puis on a mis bout à bout les morceaux. C'est vraiment drôle. Parce que j'ai pas reconnu la take que j'ai faite. Non, ben c'était non, pas une take que t'as faite. Non, c'est parce que c'est pas une take complète. Parce que c'est le mash-up de plein de petites... Les secrets de la radio, c'est comme ça. Et voilà. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous laisse avec la fin de votre émission qui devrait achever bientôt parce que vous êtes un petit peu en retard, je pense. Oui, mais merci de l'admettre. C'est un petit peu de ta faute. Non, c'est pas faute. Oui, c'est vrai. La faute de 36 minutes de sexualité en aussi, onde. Aussi. Ah, c'est pas vrai, ouais. Sûr. Ben non, c'est pas vrai. 36 minutes sur des préservatifs. C'est quoi, oui, mais ça, Xavier, c'est quoi, il était pas arrivé. Des préservatifs, ça préserve. Ah, OK. Ça préserve la vie. Exactement. C'est ça, pour pas que t'ailles avoir pas de vie. Allez, donc, la semaine prochaine, je poursuis avec un jeu de société et après ça, on analysera la situation. Merci. D'accord. Allez, fais le lutin! Au revoir! Au revoir! Bye! On retrouve toutes les semaines, les mercredis, vers les 9h15. Ouais, c'est ça. Mais nous, c'est la fin de l'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Qu'on a eu du plaisir. C'était le fun. Belle émission. Hein? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci à Bulletin Gartin de Sébastien Gartin, bien sûr. Merci à Xavier Cliche pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. Merci à Alpha le Lutin pour sa chronique de jeux de société. Demain à l'émission, jeudi, on aura Alex Marchand pour la chronique de la GEQTR. Ça, c'est à 8h. Et puis, à 8h30 environ, on va faire une grosse pointe à l'adresse pour le reste de l'émission. Oui. On aime ça et on a plein de choses en backup pour cette chronique-là. Ça va être bien le fun. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, à 10h, Compte à rebours, l'émission de Compte traditionnel. À 11h, diffusion de Rock de Neuron avec du rock progressif. À 13h, en direct, Répond avec une chanson, l'émission de variété musicale. Ensuite, à 15h, je serai de retour pour une nouvelle édition du Mathieu Plante Show. Cette fois-ci, avec des nouvelles. Oh! Oui. À 17h, Audiomatique. C'est Martin, va être content. Oui, c'est ça. Moins de chiptune. À 17h, Audiomatique avec de l'électronique. À 19h, Lob Trotter avec de la musique du monde. Et à 20h, Radio Sonic, une semaine sur deux, quand cela radonne. C'est possible pour la programmation complète. Assemblage requis.net, notes de l'émission, les balados diffusion, tout est là. Merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. Mathieu, est-ce qu'on se quitte en chanson? Avec ce que ça te tente d'entendre. Ok, ben j'ai comme le goût d'entendre la nouvelle entrée anglophone The Pretty Reckless, Back to the River. On écoute ça et on se retrouve demain 6h30. Bonne journée. Bye. Bye. Bon café. Oui, hey, t'as pensé pas à oublier. Trop de sexe. There's blue skies all around me, and the world looks just the same. It's hard to be criminal when you are